Ça va la sœur, la sœur Landro, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. On ne vous voit pas aujourd'hui. On ne te voit pas, on voit seulement la petite fille. Ça va du côté de Bordeaux? Allô? Allô, bonjour. Bonjour la sœur Flora. Bonjour frère Junior. Comment tu vas ce dimanche? La famille Gomba, comment vous allez? Ça va, et toi? Bonjour, frère Junior. Voilà. La soeur Anne et son mari, comment vous allez également? Oui, ça va bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Mm-hmm. Vous m'avez manqué. Oui, donc tu nous as beaucoup manqué. Ça, c'est un autre jour que le Seigneur a fait aujourd'hui. La soeur Paul Gertrude, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior. Ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Non, on ne te voit pas aujourd'hui. Si, je vais me connecter tout à l'heure là. La sœur Laetitia, bonjour et bienvenue. L'ex-Toulousaine, elle est où? La sœur Ketia. Ketia, bonjour. Bonjour. Ça va ce matin? Comment? Tu te portes bien aujourd'hui? Ah oui, ça va. Ouais. Par la grâce de Dieu. Tu n'étais pas en peste aujourd'hui dans les songes et les visions, non? Non. Permettez, apparemment, la lumière. Non, c'est fini tout ça. Apparemment, la lumière du jour qui est derrière là, ça dérange, n'est-ce pas? Permettez donc, j'ai. Oh, oui. Oui. Là, c'est bon. C'est bien maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Là, c'est mieux là. La sœur Marie-France du 97 route, boulevard Davout, bonjour. Bonjour, frère Junior. Aujourd'hui, là, ça, ta voix est tonifiante là maintenant, ça, c'est bien ça. Et on voit sur la photo de ton profil, toi seul, Seigneur, est ma force, n'est-ce pas? Amen. Puisse le Seigneur être toujours ta force. Je crois qu'il y a la sœur Anne qui n'a jamais vu ton visage, encore moins la sœur Ketia. La sœur Ketia, on voit seulement un homme en habit traditionnel. C'est pas qui c'est. Un de ces jours, tu vas nous dire. On ne voit pas la soeur Ketia, on ne voit pas la soeur Marie-France, qui certainement, si elle se connaît, vous allez voir avec les verres, là, les lunettes, certainement. On va de ce côté. La soeur Kelly, j'ai pas encore vu Kelly là connecté. Bon, comme on a fait deux ou trois dimanches sans travail, les gens sont habitués maintenant à ne plus travailler les dimanches. Ils vont se connecter tout à l'heure là, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Chez la famille de Anne, est-ce qu'on peut prier là-bas pour commencer? Vous pouvez prier pour qu'on commence? C'est le mari de Anne qui prie. Si tu veux, tu pries dans ton cœur. On va dire amen après. Bon Père, je te remercie de la journée que tu nous as donnée pour tous. Petit bon, en famille, et beaucoup d'âme. Et puis la journée que tu nous donnes. Et je te rends grâce encore de que aujourd'hui, nous retournons. Et tu rends grâce à toi de la force que tu nous donnes tous les jours de ta vie, et de notre vie. Merci encore Seigneur. Amen. Amen. Amen. Voilà, je suis à votre service ce dimanche. Qu'est-ce qu'il peut faire la soeur Flora? Tu es en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? La soeur Nafissa, bonjour et bienvenue du côté de Bordeaux. Comme d'habitude, elle est à la maternelle chez elle, elle en fait chut, là qui se taise. Bonjour la sœur Nafi. Bonjour, bonjour tout le monde, shalom, shalom. Bienvenue ce dimanche. Mais qu'est-ce que la sœur Landro fait dans le lit comme ça là? Ton mari n'est pas encore entré. Voilà, là on te voit la sœur Nafi. Vous savez, la sœur Flora est dans le lit comme ça. Elle a dit qu'il attend son mari ici de pied ferme depuis N'Djamena. La sœur Laetitia, bonjour et bienvenue. Depuis le matin, on te dit bonjour, on ne t'entend pas. Donc ton micro n'est pas ouvert, certainement. Si tu nous entends. Voilà, la sœur Marie-France est revenue, je crois, très bien. Alors, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, en différé, là maintenant, la Toulousienne. Bonjour et bienvenue. La sœur Anne, tu vas très bien? Ça va déjà? Oui, ça va. Ah, gloire au Seigneur. Le frère Yannick, bonjour et bienvenue du côté de Paris. Bonjour, shalom à tout le monde. Bonjour, frère. Oui, tu n'es pas en retard, c'est juste 8 minutes, c'est une huitaine de minutes que nous avons commencé. Donc, on n'a pas encore entré dans le vif du sujet. Gloire à Dieu. Ah, bonjour à tout le monde. Oui, vous m'avez manqué. Bonjour, bonjour, frère. Donc, je crois que le frère Yannick a certainement une préparation. Il va une feuille sur ta table là. Peut-être tu as une exhortation à nous donner, mais une révélation. Une exhortation, ça va pas être lié à la feuille, mais ça va être lié à ce qui s'est passé chez toi. Allons-y alors. Puisque tu plantes le décor, allons-y. Je ne vais pas me permettre de prendre le temps, mais ton événement, enfin ce qui s'est passé, l'expérience que tu as vécue nous enseigne beaucoup par rapport à, au fait que le Seigneur protège toujours ses enfants, ses oints, on va dire. Donc, ça m'a, moi en tout cas, ça m'a beaucoup enseigné ce qui s'est passé. Et puis, dans la marche chrétienne, ça édifie beaucoup en fait. Comment le Seigneur vraiment a procédé par rapport à cet événement triste qui s'est produit en fait. Donc, ouais, c'est ce que je voulais, ce que je pouvais en dire quoi. Bon, qu'est-ce que ça nous enseigne donc plus donc? Parce que tu dis ça nous enseigne plus quoi, ça enseigne, qu'est-ce que ça enseigne? Bah, que le Seigneur, de la même façon qu'il a protégé ses joints dans le temps, bah, ça me fait penser au, lorsqu'il a voulu frapper en Égypte, par exemple, et puis il a envoyé son ange mettre fin. Sur chaque porte où il y avait le sang, bah, l'ange ne, du moins dans ces maisons-là, il n'y avait pas eu de mort, quoi. Donc il procède, il n'a pas changé de même aujourd'hui, c'est toujours le, C'est toujours le même Dieu et il continue à agir de la même façon qu'il agissait dans la Bible, en fait. Donc, c'est... Amen, amen. Voilà. Et donc, ça, ce sont des témoignages vivants. De quelqu'un a-t-il quelque chose à dire concernant ces sujets avant qu'on entre dans la Bible pour voir des exemples là? Quelqu'un a quelque chose à ajouter à ce que le frère Yannick en train de parler? Bon, moi, je voulais rajouter que pour compléter un peu ce que disait le frère Yannick, c'est là où nous devons vraiment faire attention à avoir vraiment une bonne relation avec le Seigneur. Parce que la Bible déclare que le Seigneur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc forcément, il faut avoir une bonne relation. Donc ça, c'est la preuve d'une bonne relation aussi avec le Seigneur. Donc ça doit aussi nous enseigner. Parce que la Bible déclare dans ce Hébreu 11, 6 que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi. Et il ne se révèle pas à ses enfants. Donc il faut vraiment avoir une bonne relation. Et Isaïe dit que c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Donc s'il n'y a pas cette bonne relation, comment Dieu peut nous avertir des choses qui vont arriver? Donc la question, elle est là. Quand on voit dans Juges, c'est parce que les enfants de Dieu s'étaient souvent détournés de Dieu et servis les Baal que Dieu laissait les Philistins, tous ces différentes tribus-là, assaillir, asservir les enfants d'Israël. Donc c'est la même chose que si nous, on n'est pas, on n'a pas une bonne relation avec le Seigneur, on sera asservi à ce monde. Dans tous les cas, il n'y a pas de démesure. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à avoir vraiment une très bonne relation avec le Seigneur. Donc c'est très important. Amen. Amen. Permettez-moi de dire quelque chose concernant cela avec la Bible. Vous voyez, la Bible dit vrai que si le Seigneur ne protège, celui qui protège, protège en vain. Si le Seigneur ne veille, celui qui veille, il veille en vain. Parce que lorsqu'on se couche, on est livré au sommeil, n'importe quoi peut arriver. Les gens peuvent venir pulvériser les choses en dormant, ça vous fait dormir, on passe là, on vous porte même au sol, on fait n'importe quoi qu'on va faire. On a le temps de faire n'importe quoi. Mais allons dans la Bible, allons, prenons le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Merci pour vos prières. Merci pour vos prières. Chapitre 23. Actes des Apôtres, chapitre 23. Il y a du bruit chez Avery Châtillon. Merci de couper. Actes des Apôtres, chapitre 23. Le frère Yannick, lis-nous à partir du verset 12. Je crois que ton son est bon, oui. Acte 23, à partir du verset 12. Oui. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'emmène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Et continue. Non, continue mon frère, continue jusqu'à ce qu'il dise Amen. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui apporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit dans le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'emmener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs ont convenu de te prier, d'emmener Paul devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qui lui avait été fait. Ensuite, il appela les deux centeniers et dit, « Tenez prêts, dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysia auprès au très excellent gouverneur Félix salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque survint avec des soldats et le leur enlevait ayant appris qu'ils étaient romains. Voulant connaître le motif pour lequel il accusait, je l'emmenais devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'ils étaient accusés au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'ils n'avaient commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé. En faisant savoir à ses accusateurs, qu'ils ont à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrie. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'ils étaient de la Cilicie, je t'entendrai, dit-il. Quand tes accusateurs seront venus, il ordonna qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. Amen. Parole de l'Éternel. Voilà une histoire. Vous m'écoutez bien? Le son est bon, non? Le son est bon. Voilà. La sœur Ophélie, la Camerounaise, des Togolais ou des Béninois et des Français. Bonjour et bienvenue. Peut-être la sœur Ophélie continue à cracher encore. Bon, la Camerounaise arrive. Bon. Oh, bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. Un bonjour spécial à ton époux, d'accord? D'accord. Et tu dis bonjour au troisième membre de la famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Alors, ici, nous lisons dans le verset, chapitre 23, verset 12, on nous parle là des complots, les complicités pour pouvoir tuer Paul. Maintenant, souvenez-vous du chapitre 9, du chapitre 21, du chapitre 22, où l'apôtre Paul a été appelé pour annoncer, pour porter le salut, comme Ésaïe, chapitre 42, le verset 6, et le chapitre 49, verset 5 à 6, le 10, concernant son ministère. Le voici maintenant, mais les êtres humains ne veulent pas qu'il accomplisse ce ministère-là. Ici, se trouvent au moins 40 personnes. La sœur Kelly Yankolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, bien-aimé frère Génial. Tu es entré en scène exactement à l'heure où on commençait, d'accord? Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, donc, nous trouvons ici dans ce livre de Actes des Apôtres chapitre 23, et l'apôtre Paul a reçu pour commission d'annoncer la lumière aux nations, porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, et si vous prenez le livre d'Actes chapitre 13, verset 48, il dit là-bas qu'ils vont maintenant désormais chez les païens parce qu'ainsi leur a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, ici se trouvent donc les gens qui ont fait le complot. Commençons à analyser les choses et voyons quelque chose. Quand ces gens faisaient le complot, Ils étaient loin de s'en douter que quelqu'un se retrouvait là-bas et qui entendrait les bribes de ce qui se passait. Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce que le fils de la soeur de Paul faisait à cet instant-là là-bas alors que le complot se tramait? Vous voyez Dieu dans les événements de notre quotidien. Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Et comme on va voir dans toute la vie, je crois que ce dimanche, nous allons parler donc de la protection divine. Il faut qu'on parle de cela, de ce thème-là. On va voir cela développé tout au long de la Bible. Nous allons parler donc ce dimanche, par la grâce du Seigneur, de la protection divine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père, merci Seigneur. Nous allons parler de la protection divine. La Sœur Marie-France, rebonjour, bienvenue encore ce matin. Bonjour frère. Comme ta caméra ne fonctionne pas, ou mieux encore, tu ne veux pas que tes frères te voient, il n'y a pas de problème. Bonjour mon frère. Oh, bonjour. Et ta caméra fonctionne, n'est-ce pas ma soeur? Voilà. C'est ma caméra? Voilà la soeur Kelly qu'on voit là maintenant, comme ça, avec ses veilles aussi. On peut continuer maintenant, c'est noter les titres, n'est-ce pas? On peut avancer. Bon, maintenant, posons-nous les questions. À un instant donné, si ce guet-apens n'était pas tombé aux oreilles de la du fils du neveu de l'apôtre Paul, que serait-il devenu de lui le lendemain? Vous pensez quoi? C'est vrai, on va l'exécuter. Justement. Et le lendemain, parce que ça, c'est le complot, c'est fait la nuit. Et on dit le lendemain, il faut qu'on parte voir le tribunal, on lui demande de faire venir pour qu'on lui pose quelques questions. Pendant qu'ils vont sortir, parce qu'il y aura au moins deux soldats qui vont protéger, ils sont plus de 40. Donc les soldats ne peuvent pas, avant qu'ils ne réagissent, qu'on l'a lapidé. Donc ils tentent un piège comme ça à l'âme du juste. Mais Dieu prépare que la personne qui va écouter les dessous de ce guet-apens soit une personne qui est liée à l'apôtre Paul. Mais là, vous ne voyez pas la main de Dieu jouer là derrière. C'est plein dans la Bible, la protection divine. Ici, c'est tout dans l'enfant de la soeur de l'apôtre Paul qui passe par là et il écoute ces choses-là. Il vient dire à l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit, va dire ça au tribunal pour qu'on puisse comprendre de quoi il est question. Subitement, on met les roulons en marche pour pouvoir amener l'apôtre Paul vers Rome. Mais maintenant, allons au chapitre 20 des Actes des Apôtres. Lisons les versets 21, 22 et 23. Chapitre 20, cette fois-ci. Verset 21, 22, 23. Je vais seulement vous montrer. Enfin, le chapitre 23, c'est qui lui arrive. Au chapitre 21, au chapitre 20, quelque chose est dit. Allons-y. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qu'il m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. C'est bon, frère, c'est bon. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit a averti l'apôtre Paul des liens et des tribulations qui l'attendaient, sans lui donner les détails de ce qui se passait, de ce qui se passerait. Le Saint-Esprit lui dit, prépare-toi psychologiquement parce que tu vas passer par des moments difficiles. Il y a des choses qui t'attendent. Mais il ne lui dit pas, remarquez très attentivement comment l'apôtre le dit. Il dit que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais il ne lui donne pas le détail de ce qui se passe. Vous voyez là, mes frères? Donc, Dieu est puissant. Il est capable de révéler tout ce qui va nous arriver. On va voir ça tout au long des Écritures, si le Seigneur le permet. Maintenant, nous étions au chapitre 23 tout à l'heure. On a commencé au verset 12. Maintenant, vérifiez, regardez ce qui est dit au verset 11. Observez quelque chose. Observez. Le verset 11. Le verset 11 du chapitre 20. Non, chapitre 23. Pardon. Chapitre 23, verset 20. Alors, le verset 20 nous dit que je vais tomber dessus. Ce que c'est. Voilà. Il répondit, les Juifs ont convenu de te prier d'emmener Paul devant le... Frère Yannick, le chapitre 23, verset 11, cette fois-ci. Là, tout à l'heure, tu avais commencé. Pardon. Oui. Pardon. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Stop. Vous avez vu? Le Seigneur Jésus, si vous lisez le chapitre 26 ou bien le chapitre 9, vous allez remarquer que dans le ministère de l'apôtre Paul, il est question que Dieu se présente à lui plusieurs fois. Parce qu'il a dit, pour les choses pour lesquelles j'étais apparu et pour lesquelles j'étais apparaîtrai encore. Il va lui apparaître pour donner le détail. Mais ici, voici quelqu'un qui se trouve dans sa cellule. Ah mon Dieu, donne-nous d'avoir confiance en toi, en ta présence, même si nous ne ressentons rien. Imaginez le grand apôtre étant dans sa cellule avec les chaînes à la main, assis sur un petit banc là, méditant. Et puis, subitement, le Seigneur qu'il est en train d'annoncer dans les nations se trouve au-devant de lui. Il ne dit pas que l'apôtre Paul, sortons, on part. Il pouvait faire disparaître l'apôtre Paul, comme on va voir tout à l'heure dans Actes des Apôtres. Il pouvait le faire disparaître de la prison. Il pouvait le faire sortir de la prison. Il vient le trouver en cellule. Il cause avec les tontons pour lui dire, bonsoir mon serviteur, ça va? Puis il lui dit, prends courage, tu comprends, non? Mais aujourd'hui, quand on se trouve dans des situations difficiles, on veut seulement s'en sortir. On veut seulement que les problèmes finissent. On veut seulement que les problèmes finissent, que les problèmes s'arrêtent. Parce qu'on ne veut pas de problèmes. Seigneur, tu nous as appelés à la paix et à la tranquillité. La paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situations troubles tout autour de nous. Ce n'est pas ça que Dieu appelle par paix. Non. Dans les situations troubles, Dieu peut parler la paix au travers de cela. Les situations troubles dans nos vies peuvent être des moments par excellence pour Dieu pour nous garder. Regardez très attentivement. L'apôtre peut donc s'asseoir dans sa cellule. Le Seigneur, la Bible déclare, ce n'est pas un ange qui se présente, c'est le Seigneur qui se présente. Il dit, prends courage. Car de même que tu as témoigné de moi dans Jérusalem, tu témoignes, il faut que tu témoignes de moi de la même façon à Rome. Frère, je vous pose la question, je veux que vous me répondez. A-t-il donné les détails comment il va faire pour arriver à Rome? Non, non. Est-ce qu'il a posé la question à Dieu que, comment il va faire pour me retrouver à Rome? Non. Est-ce qu'il est allé en première classe? Non. Donc, ce qui intéresse le Seigneur, c'est le point A et le point B. Il lui a dit, comme tu as commencé à Jérusalem, tu vas finir à Rome. Mais le bout là, le moment, l'intérieur, l'intervalle de Jérusalem à Rome, quand il ne parle pas, quand le Seigneur ne parle pas, il veut dire, ne crains rien, tout est sous mon contrôle. Quand Dieu se tait, ça veut dire qu'il a tous les événements entre ses mains. C'est ce que son silence veut dire. Amen. C'est ce que le silence de Dieu dit. Le silence de Dieu, quand Dieu ne parle pas dans un événement, il veut dire tout est sous son contrôle et tout va se passer comme il veut. Il n'a pas besoin de... Si vous voulez perdre votre temps en disant que, Seigneur, si je sors, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je monte à gauche, c'est pas là-bas que ta volonté. Si je vais à droite, c'est ta volonté, vous n'obtiendrez jamais de réponse. Lorsque Dieu... Prenons un exemple simple. Si vous prenez le livre de Genèse, chapitre 37 en montant, vous remarquez l'histoire de Joseph. Je crois qu'à partir de là, ça va aller vite là maintenant. Dans l'histoire de Joseph, vous voyez comment Joseph se lève et ces 4 matins, il commence à raconter une histoire qu'il a vécue dans la nuit. C'est une vision qui lui est venue, n'est-ce pas? Joseph n'a pas demandé à avoir des visions. Il n'a pas demandé, c'est Dieu qui initie la chose en lui. Il lui présente 11 gerbes qui se prosternent devant sa gerbe à lui, quand ils sont en train de chercher. Il vient, il raconte cela à ses frères. On dit, ah, donc tu veux dire qu'on va venir se prosterner devant toi? Dieu donne les séquences des clichés de son avenir, sans donner des détails. L'interprétation commence à montrer la direction que va être orientée cette personne qu'on appelle Joseph. Dieu ne donne pas les détails. Est-ce que dans cette vision-là, Dieu a montré les pyramides de Gozen? Dieu n'a pas montré la pyramide de Gozen pour dire, c'est au niveau de la pyramide de Gozen qui vont pour montrer que la localité. Que Seigneur, où est-ce que ça va se passer? En quelle année? Si vous voulez tuer, vous à poser ces questions, vous n'aurez pas de réponse. Donc aujourd'hui, ce dimanche, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, je veux qu'on se comprenne aujourd'hui. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, dit les Saintes Écritures. La Bible déclare, notre Bible déclare, que le Seigneur a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Mais le fait que notre âme et notre corps, notre chair, ce moment-ci, enfin, je crois que ce sont les prédicateurs qui ont amené cela, que non, tu n'es pas fait pour souffrir. Christ a déjà souffri, a déjà souffert sur la croix. Il a dit, tu t'es accompli, tu dois faire souffrir. Et il fait comme ça, quand lui-même a la mémorité, il va pas derrière, il boit les paracétamol. Il ne vous dit pas la vérité. La Bible déclare dans ce livre de psaume-là que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La question c'est, pourquoi Dieu permet que le malheur, quand il dit, le malheur atteint souvent le juste, et ce sont ces deux volets qu'on va voir dans les Saintes Écritures aujourd'hui, dans la protection divine. Ça veut dire que même le malheur que Dieu permet que ça atteigne le juste est toujours sa protection. Parce que souvenez-vous de ceci, regardez très attentivement. Ah, c'est plein dans la Bible, comment je vais faire, Seigneur aide-moi pour qu'on puisse développer ce thème-ci. Regardez, le cas de Joseph là, le malheur, ah comment je vais mettre ceci, mes frères vous m'entendez bien? Très bien. C'est que Oui. je me trouve déjà maintenant au point où je ne sais plus comment, dans quelle direction prendre ces choses-ci. Continuons sur le cas de Joseph Non, et ça va sur. bien. Je vais doucement, frère. Ouais, prends la bonne direction et tu pars doucement. Je vais doucement. Bon, suivons donc Joseph et voyons la main. Un, nous avons convenu que ce n'est pas Joseph qui a, de toute façon, il n'a pas prié pour avoir la vision de son avenir. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Dieu a décidé d'initier la chose, lui donner des visions. Quand il lui donne les visions, il donne l'interprétation à ses parents et à ses frères. Et ça les énerve. Le frère, il y a un retour chez toi, essaie de couper ton micro. Donc, vous voyez, Dieu donne la vision à Joseph, il vient, il raconte. Les gens qui ont des visions, ils ont dit finalement que le visionnaire, le voici, il nous fatigue avec ses histoires de vision. On donne des rêves, pas lui, il ne veut que de rêver des moutons, il rêve de ceci, il rêve de cela. Maintenant, écoutez très attentivement. Dieu ne dit pas dans la vision que ce sont ses frères qui vont faire que la vision s'accomplit. Dieu ne dit pas où la vision va s'accomplir. Le rêveur ne dit pas, Seigneur, où est-ce que ça va se passer? Parce que de toute façon, l'initiateur de cette vision-là doit l'accomplir. En clair, notre vie est entre les mains du Seigneur. La Bible déclare dans ce livre de Jérémie là-bas que c'est l'Éternel qui conduit les pas, qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre? Dieu se pose la question, est-ce qu'on peut comprendre qu'en réalité, c'est lui qui doit guider nos pas? Que vous prenez d'un point à un autre, vous pensez que la ville s'y mène, il faut qu'il change, il faut qu'il fasse l'appartement. Vous ne savez pas que c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Vous sortez de l'appartement, à un moment donné, vous entendez qu'il y a un incendie là-bas. Vous dites, qu'est-ce qui arrive? Et puis la science appelle ça, les êtres humains appellent ça la coïncidence. D'autres appellent ça un sixième sens, m'a dit que. Donc ils ont même six sens. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas que c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Regardez. Non, je ne veux pas qu'il quitte Joseph parce qu'en fait c'est beaucoup là dans la Bible. Parce qu'à tout moment, il veut sortir pour aller quelque part. Joseph va grandir jusqu'à ce que son père lui dit, ah voici tes frères. Et ce n'est pas normal qu'un enfant de moins de 17 ans puisse aller dans les champs, en traversant les champs pour chercher des grands hommes qui sont au moins 10. Ce n'est pas normal. Ils sont déjà discernés que s'il y a n'importe quoi qui est arrivé, ce n'est pas le petit négligent qui va venir sauver les gens là. Son père l'envoie vers ses frères pour aller regarder s'ils vont très bien. Lorsqu'on le voit dans les champs en train de venir avec son habit de plusieurs couleurs, il dit, ok, voici le moment opportun choisi. Voici le visionnaire qui vient encore raconter ce son, on va le traiter ici là. Avant qu'il n'arrive vers eux, son sort était déjà scellé. Mes frères, regardez très attentivement que l'éloignement de ses frères près de la maison et qui a mis l'inquiétude dans le cœur de leur père venait de Dieu. Le fait que le père ait décidé d'envoyer son frère, que son frère allait rencontrer pour faire la recherche de ses parents, de ses frères, venait de Dieu. Cette décision venait de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez. Maintenant, quand il vient, la décision qui tire au sort pour pouvoir le vendre venait de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et vous voyez effectivement ce que, à l'issue de cela, dans Genèse chapitre 50, verset 20, ce qu'il va dire, il va donner le. C'est là où il révèle le grand plan de Dieu qui était derrière tout ce cassé, tout cela pendant les années. Dans Genèse chapitre 50, le verset 20 révèle le grand plan de Dieu derrière tout ce qui est arrivé, soit en bien, soit en mal. Vous voyez? Plus tard donc, lorsque le plan parfait va s'accomplir, Joseph va comprendre qu'en réalité, Dieu était derrière parce qu'il y avait une famine que Dieu préparait sur la terre. Et il se prépare dans les gens qui vont faire pour pouvoir maintenir les gens, pour que les gens ne puissent pas mourir sur la terre. Mais il le fait sans conseil. La Bible déclare qu'il fait tout chose selon le bon plaisir de sa volonté. Il ne demande pas les acteurs, il ne demande pas quel rôle vous allez jouer. Vous vous trouvez en train de jouer seulement le rôle sans vous en rendre compte. La protection divine. Et tout ce que Dieu a initié, la Bible déclare dans ce livre d'Ésaïe, le chapitre 26, là-bas, que tout ce que Dieu désire, ce que nous faisons sur la terre, il le fait pour nous. Et tout, dans Psaume 115, la Bible déclare que tout ce qu'il veut dans le ciel, il le réalise sur la terre. Quand la Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre, comment c'est pas parce que notre prière va amener sa volonté ici. S'il veut faire quelque chose, il va le faire. Voilà son plan parfait écrit dans la Bible, comment il va délivrer les chrétiens. Comment la grande tribulation va avoir lieu. Il a même donné l'heure, le moment, le jour. Il a dit ça fait 3 ans et demi pour telle ou telle chose. 6 mois pour telle chose. 4 mois pour telle chose. 42 mois pour telle chose. Ça va se passer comme ça. Il n'y a pas 42 mois un jour. Que non, il n'y a pas de prolongation. Ça doit se passer comme il a réglé. Et quand il règle comme ça, il met cela dans le bouquin pour que son ennemi dont il parle puisse lire. Quand Dieu met jusqu'à ce qu'au chapitre 20, le acte d'Apocalypse, il dit qu'un ange puissant est descendu dans le ciel et saisit Satan et avec une grande chaîne, il l'enchaîna dans l'abîme et l'enferma dans l'abîme pour 1000 ans. Satan lit ça chaque jour, pas vrai frère? Quand on lit ça, le seul fait que j'ai cité comme ça, il se fâche parce que ça lui rappelle lui là où il va partir, pas vrai? Mais il ne peut pas fuir. Le plan de Dieu écrit là-bas pour montrer qu'il est puissant et que sa main est puissante pour protéger, il écrit comment il va traiter ses ennemis, il donne à l'ennemi de lui. Que lis comment je vais t'enchaîner. Après pour 1000 ans, je vais te laisser, tu vas aller séduire les nations. C'est pas ce qu'il écrit là, frère. Tout à fait. Vous pensez que Satan, lui, ne lit pas ça? Il lit quand même, non. Voilà. La Bible déclare que les dominations dans les lieux célestes vont connaître au travers de l'Église. Au travers de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Lorsqu'on lit, quand l'Église en est lit, déployer ces connaissances-là, Satan entend dire que yes, c'est ce qui m'attend ici dehors. Il dit oui, yes, papa, le Dieu là est fort. Mais il dit comme ça, le Dieu là est fort, mais il va entrer toujours et accomplir ce qu'il a décidé de faire. Parce que tel que c'est écrit, ça va arriver. C'est pas comme un monsieur m'avait appelé, il a dit que frère Junior, est-ce qu'on peut pas prier que Satan se convertisse, laisse les gens tranquilles. Il ne peut pas se convertir. C'est déjà écrit dans les Écritures que c'est comme ça, il va aller pour la perdition. Il est déjà jugé. Vous saisissez, n'est-ce pas? Alors, Joseph va aller. Remarquez très attentivement que vous ne verrez nulle part où Joseph a prié contre ses ennemis. Joseph, il savait que c'est Dieu faisant. Maintenant, si ça avait été nous aujourd'hui, lorsqu'on l'a vendu, lorsque ses frères ont vendu, première chose, on devait dire non, c'est sûr que la vision venait de Satan. Parce qu'on ne voit pas l'aboutissement de cela. Maintenant, cette vision-là, le premier jour où on l'a vendu, alors qu'il partait avec les gens de Séba et ainsi de suite, lorsqu'il partait là, il ne verrait plus jamais ses frères. Mais dans la vision, on n'explique pas que c'est là-bas dans ce pays-là que ses frères vont venir plus tard. Or, Dieu n'a pas donné l'explication de la famille qui est censée venir, du pharaon à qui il va donner le songe, du moment où on va les envoyer en prison pour que le panetier vienne là-bas et que plus tard, il se souvienne de lui par rapport à une vision. Tous ces événements-là, Dieu l'a programmé. Amen. Mais bien-aimés frères, nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort, majestueux. Il est digne de confiance, digne de louange, celui en qui on peut s'appuyer sans avoir des chaudrons sur notre main. Mais le vrai problème, c'est que les événements parlent généralement au-dessus de la voix de Dieu dans notre vie des fois. Les événements. La réalité est tout autre. Allons-y dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, là, rapidement. Merci, Père, pour cette journée. Merci. La France à la sainteté, bonjour. Bonjour. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe, le prophète Ésaïe chapitre 43. Vous y êtes? Verset 1 à 3. Ésaïe 43, à partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Oui, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Donc, qu'est-ce que Dieu a de faire à ce peuple en disant cela? Chaque fois quand Dieu va dire courage, ne crains rien, ça suppose qu'il y a un événement, une situation, une circonstance à craindre ou à redouter. Quand il dit à Josué dans le chapitre 1 de Josué, au verset 5 à 9, il dit que Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Et il y avait le mur de Jéricho qui devait l'attendre avec les Philistins et autres là-bas. C'est pour ça qu'il dit fortifie-toi et prends courage. Il veut dire, aie confiance en moi. Au chapitre 54, il va dire, ne promène pas des regards inquiets. Parce qu'en fait, ça veut dire que ne te concentre pas sur les événements, sur les situations qui sont autour de toi. Satan utilise les événements pour saisir notre saint sens. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu sur l'Église pour qu'on quitte l'état de la chair pour être guidé par l'Esprit. Parce que lorsqu'on est guidé dans l'Esprit, on comprend la personne qui est derrière les événements. Lorsqu'on marche dans la chair, on marche dans les résultats des circonstances. On va voir le résultat des circonstances. On dit que les circonstances vont contrôler notre prière, contrôler nos émotions, guider et nous orienter. Et la peur va chaque fois nous saisir. La vie des foi, c'est la vie de l'esprit. Absolument. La vie des foi, c'est la vie de l'esprit. Et la foi, donc, travaille dans les choses qu'on ne voit pas. Et maintenant, se trouve dans deux êtres qui travaillent sur les événements de notre réalité terrestre. Ces événements, c'est quoi? C'est que quelque chose peut arriver, peut-être un tremblement de terre, et vous voyez le tremblement de terre. Ce que vous voyez, c'est le physique, le tremblement de terre. Mais qu'est-ce qui a causé ça dans l'arrière-plan? C'est ça le problème. Prenez le cas du prophète Job. Vous voyez, Job se tient dans sa maison, subitement, quelque chose arrive. Quelqu'un entre dans sa maison, boum, il ouvre la porte. Il dit, c'est quoi? Il dit qu'on était là à faire péter tes bébés. Les Sabéens sont venus. Ils ont passé au fil de l'épée tous, les brebis et les petits bœufs. Ils ont tué tous les invités, mais j'appelle seul. Vous voyez que cet événement-là montre encore une fois de plus la protection divine. Mais en toile de fond se trouve une guerre spirituelle au sujet d'une personnalité qu'on appelle Job pour éprouver sa foi. Là, personne ne voit physiquement Satan, personne ne voit physiquement les démons, personne ne voit physiquement Dieu, mais des réalités physiques et palpables montrent que des événements naturels arrivent. Mais derrière ces événements naturels se trouvent donc des forces spirituelles. Quand un sabéen est venu pour tuer ses serviteurs, la colère qui lui est venue et développée était faite par Satan pour pouvoir tuer ces gens-là, tuer, détruire son troupeau. C'était orienté pour que Job puisse recevoir la nouvelle. Donc Dieu peut permettre que des événements, des circonstances puissent arriver pour essayer de tester notre foi. Et comme on voit dans les Saintes Écritures. Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Dieu veut nous faire comprendre que la vie de foi ne se base pas sur les réalités que nous voyons au-devant de nous. Que non. Ça se base sur ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait derrière. Même si les circonstances semblent néfastes. Tout autour des Écritures, vous allez voir depuis Deutéronome chapitre 8, où Dieu dit à son peuple que pendant 40 années, je t'ai fait passer par cette affreux désert que n'ont pas connu tes pères. Je t'ai fait passer là-bas durant ces 40 années afin de t'apprendre et de t'humilier ton âme pour que tu apprennes à vivre selon la parole. Que l'homme ne vivra pas selon le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que si Dieu a dit quelque chose, vous allez vivre par cela. Et le juste homme doit vivre par la foi. Parce que Dieu est derrière sa parole. Notez Proverbe chapitre 13, non, chapitre 3, le Proverbe. Notez-y, merci Père. Proverbe chapitre 3, du verset 13 au verset 26. Notez, j'avance là rapidement. Donc, quand nous lisons, vous avez noté, n'est-ce pas, Proverbe chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 26. Dans cet Esaïe chapitre 43, le Seigneur dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien. » Il dit cela alors qu'il y a des sujets de crainte en Israël. Il se trouve au milieu des peuples, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, se trouvent des peuples, les Philistins, les Cananéens, les Kéziens, les Phéréziens et autres là-bas, ce peuple nombreux là qui veut la destruction d'Israël. Vous voyez? Mais Dieu nous dit, ne crains rien. Quand il dit, ne crains rien, alors que tout autour se trouvent les ennemis, Dieu dit, ne crains rien. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dieu veut dire, quelles que soient les circonstances, des eaux troubles, des bruits de guerre, des bruits d'importe qui autour de toi, ne crains pas. Celui qui a foi en Dieu ne craint pas parce qu'il sait que Dieu est au puissant et au-dessus de ces événements. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, les versets 36 à 37, la Bible déclare qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. N'est-il pas de la volonté de Dieu que arrive le mot et le bien? Et dans le livre d'Amos, chapitre 3, donc, les versets 6 et les versets 7, la Bible déclare son tombe de la trompette dans une ville sans que le peuple en soit épouvanté. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Vous voyez, n'est-ce pas? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir averti, donner le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc un événement va se produire sur la terre, il révèle ce qu'il en a de vouloir faire. Les autres êtres humains vont voir le malheur derrière ces événements, mais Dieu cherche un but. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. C'est donc pour ça que le Saint-Esprit l'a dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 8, que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous allez donc voir donc cela au courant de l'événement de l'Église. Vous allez voir que l'Église va passer par des tribulations. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 que l'apôtre Paul, il vivait dans les persécutions et dans beaucoup de tribulations au point où il perdait même déjà courage, il désespérait même par rapport à la vie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, des événements qu'ils ont traversés ont montré que Dieu est puissant et Dieu est très puissant. Et que nous avons un grand Dieu qu'il faut servir, même si les événements, les circonstances tout autour de nous ne disent pas ce que notre nature propre aimerait savoir. Ici, il dit, ne crains rien. Si tu traverses les eaux, j'essaierai avec toi. Il n'a pas dit qu'il va te gêner, il va te donner le gilet. Et dans la Bible, nous voyons effectivement les personnes qui ont traversé les eaux. Et le Seigneur était avec eux. L'apôtre Pierre a marché sur les eaux. Il a voulu se noyer. Le Seigneur était avec lui là-bas dans les eaux. L'apôtre Paul, dont nous voyons tout à l'heure son histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 23. Plus tard, il va être transporté, comme le fait le tribun va dire. On va les faire voyager avec plus de 257 personnes. Et à un moment donné, ils vont chavirer sur l'île des Mars. Remarquez très attentivement que le cyclone qui fondait sur eux, ce n'est pas les Romains dont c'est les questions. Ce n'est pas les autres prisonniers. La cible, c'est l'apôtre Paul. Parce qu'il a reçu pour commission d'aller délivrer les gens de la puissance des ténèbres à la lumière. Donc, ce cyclone, cet être-là qui vient pour frapper sur la mer, qui a fondu sur la mer, qui sont là. La soeur Marie-France, il y a des bruits chez toi. Viens fermer ton micro, s'il te plaît. Cet typhon qui a fondu sur le bateau qui transportait l'apôtre Paul en mer, remarquez que l'ange vient dans la nuit. Il ne fait pas sortir l'apôtre Paul de cette chaîne-là. L'apôtre Paul a ses chaînes, l'ange vient, il se présente la nuit, il lui dit, on t'a donné tous ceux qui sont dans ce bateau, leur vie est entre tes mains. Donc le prisonnier qui se trouve là-bas est le vrai commandant du bateau. C'est terrible. Donc vous voyez effectivement que malgré ces circonstances, malgré le chavirement du bateau, il avait pleine confiance en Dieu parce que au-delà des événements physiques qui se déroulaient dans le bateau, il a dit qu'on n'aura de perte que celui de ce navire-ci. Il connaissait ce qui arrivait, l'issue de la chose. Par rapport à l'événement qui devrait se passer. Donc il faut que nous qui sommes chrétiens aujourd'hui comprenions que ces événements sont mis dans la Bible pour que nous passions confiance en notre Seigneur. Que rien ne nous arrive sans la volonté de Dieu. Et même si vous êtes chrétien aujourd'hui, tout ce que vous êtes arrivé dans le passé était dans le plan du Seigneur. Regardez quand l'apôtre Paul, avant qu'il ne vienne en Christ pour commencer à faire, toutes les études qu'il va faire, avant qu'il, vous voyez, il a la nationalité romaine. Il ne savait pas que la nationalité romaine, là, pour eux, c'était un privilège en ce moment-là. Comme le tribun va dire que ça a pris d'argent. Quand il va commencer à le frapper, il va lui dire que, est-il permis que tu tapes un citoyen romain? Parce que les citoyens romains étaient privilégiés comme les Américains aujourd'hui. Vous touchez un Américain quelque part, c'est les GS qui vont venir vers toi. Alors, il a dit, es-tu romain? Il dit oui. Ah, il est allé dire maintenant à ses soldats, à ses chefs, en disant que cet homme est romain. À cet instant-là, la protection a commencé. Il a la double citoyenneté qu'il avait eu, avait pour but de le servir plus tard dans la navette internationale. Vous voyez? Mais pour lui, il va croire que pour avoir acquis cette double nationalité-là, ça devait le servir pour sa propre ambition, pour ses propres ambitions. Que non, Dieu avait le même mise derrière pour se préparer aux éventualités futuristes par rapport à son plan à lui. Amen. Donc, tout ce que nous faisons, c'est quand vous fréquentez, vous allez dans tel ou tel milieu, vous recevez telle ou telle formation, tel événement vous arrive, vous ne pouvez pas comprendre peut-être ce qui vous arrive, mais plus tard vous comprendrez quand Dieu commence à se manifester, qu'il était nécessaire que vous passiez par telle ou telle chose, que telle chose vous arrive. Rien n'arrive à ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ au hasard. Rien. Tout événement qui leur arrive est programmé par lui. Tout événement. Il n'y a rien qui vient surprendre Dieu dans ce plan. Parce que si quelqu'un vient surprendre Dieu dans son plan, ou bien surprendre ces personnes-là dans son plan, Dieu va devoir faire la redistribution de cartes et fomenter l'avenir autrement. Or, tout est programmé par lui. Tout est programmé par lui. Lorsque nous disons que nous sommes croyants aujourd'hui, nous sommes sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui que nous devenons croyants que nous sommes sauvés. Il est mort il y a cela 2000 ans. Ça veut dire que dans sa programmation, tu étais prévu pour aller à la croix avec lui. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allions à la croix. C'est depuis 2000 ans qu'il est allé à la croix. Il est allé à la croix avec nous alors que nous n'étions pas encore sur la terre. Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Le moment arrive, il nous manifeste afin que nous voyons. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le monde de la mer, je te connaissais. Vous voyez ce qui se passe? Donc, le psalmiste dit, dans le psaume 119, le verset 14 à 16, il dit qu'avant que le jour, avant qu'aucun de ces jours n'existe, tous mes jours étaient écrits dans le livre de vie. Dans ton livre, il avait écrit tous ses jours, ce que David est censé faire, comment il va grandir. Mais sur la terre, sur le plan humain, il n'a pas le cliché. Il n'y connaît pas parce que c'est celui qui connaît l'avenir qui maintient notre vie entre ses mains. Alors Joseph va être vendu, arrivé là-bas, vous voyez qu'au fur et à mesure, sur le plan humain, il est accusé injustement. Il n'a pas réclamé son droit ni au tribunal. Il n'a pas dit je suis injuste, innocent de tout ce que vous me reprochez. Le juge s'est tenu là-bas, les Égyptiens sont tenus là-bas. Il a là-bas la défaveur qu'il est prisonnier. Deuxièmement, il n'est pas du pays. Il a été vendu esclave. Donc, même s'il se défendait là-bas à corps et âme, les avocats des Égyptiens sont les Égyptiens. Donc, ils vont tout faire pour sauver le peuple. Il est resté tranquille là-bas, s'abandonnant entre les mains de celui qui a donné la vision. Vous voyez pourquoi le prophète Habakkuk dit que si cette vision tarde, attends là. Si une vision vient de Dieu, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Et donc, vous voyez que Joseph va se tenir là-bas. On va l'envoyer en prison. En prison, c'est lui qui console même les autres prisonniers. Il passe, il voit les gens, quelqu'un qui rêve le matin, il a les visages tristes. Il dit, pourquoi tu as le visage triste comme ça? Regardez, quelqu'un qui est accusé injustement. Injustement. Il travaille injustement. Il travaille très bien. Tout est béni. Jusqu'à ce qu'une sorcière des gens, la fille de Jézabel, vienne pour l'accuser tranquillement. Maintenant, cette accusation est dans le plan de Dieu pour le Père faire monter dans le trône. Et quand il passe par les difficultés, il revient, il voit tout genre de personnes dans la société. Il fait son travail toujours bien. Mais en tant qu'être humain, en tant qu'homme, il pouvait dire, c'est sûr que seul Dieu là n'existe pas parce qu'il n'a pas vu Dieu physiquement. Mais un cliché lui est donné. Il part dans le pays. Un homme lui donne toute l'opportunité de travailler avec lui. Sa femme est là, sa femme tombe amoureuse de lui. Il pouvait dire comme les hommes de cette époque, c'est que je fabrique l'autre. Que je vais faire comme ça, là, peut-être on va faire le plan, on tue l'homme, on prend la femme, on prend tout le terrain. Mais il ne le fait pas parce qu'il sait que c'est mal. La Bible déclare qu'on ne peut pas mettre le charbon dans le feu, dans quoi? Dans le sang sans être brûlé. Et c'est exactement la même chose pour l'homme qui va vers la femme de son prochain. Il savait toutes ces choses, écrit en lui en tant que prophète de Dieu. Malgré qu'il était dans le pays étranger, malgré qu'il était éloigné de son peuple, il savait très attentivement qu'il n'était pas éloigné de Dieu, que Dieu a ses regards fixés par toute la terre. Et il savait que sa vie et ses événements étaient entre les mains du Seigneur, donc il ne devait pas s'amuser avec sa vie. Mais il y a les chrétiens aujourd'hui qui ne quittent pas dans un autre pays. Ils disent que non, il n'y a personne pour me fortifier, donc je suis seul. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans le péché. Ça n'a pas de justificatif. Parce que Joseph étant en Égypte, il avait tout pour vivre dans le péché. Mais il a refusé de le faire. Daniel, Abednego, Shadrach et Meshach, quand ils sont allés à quoi? C'est à Jog là-bas. On a demandé de manger les mains succulentes du roi. Ils ont refusé de manger privant. Ils étaient en terre étrangère. Ils pouvaient se fâcher de Dieu que Dieu nous a envoyés ici en captivité. Pourquoi? Mais on mange, on meurt. Qui vivra longtemps? On mange, on meurt, on ne mange pas, on meurt. De toute façon, on est en captivité. Ils mangent. Mais ils ont décidé de ne pas suivre leur corps. Et Dieu les a utilisés pour faire son événement. Pourquoi? Parce que la captivité était un plan de Dieu, prophétisé par le prophète Jérémie. Alors, Dieu, qui est notre force, qui est notre protecteur, notre rocher protecteur, est le puissant de Jacob, comme dit la Bible. Alors, il est au-dessus de tout événement. Et le plus grand, c'est que les événements sont préparés par lui. Les événements. Vous prenez le cas des femmes enceintes, les femmes, comment ça s'appelle? Regardez toutes les femmes qui ont été, comment vous appelez cette chose, barrenesse, comment on appelle barrenesse en français? Quand quelqu'un n'accouche pas la femme, là, ces mots-là. Stérile. Voilà. Prenez les femmes stériles dans la Bible. Vous voyez, effectivement, chaque fois, vous entendez que l'Éternel se souvient de Sarah. Qui fait accoucher la femme de Pharaon? C'est pas lui qui donne les enfants là-bas? Qui avait rendu stérile Rachel? Qui a rendu stérile Anne? La Bible déclare que Pénine la faisait mortifier son âme. Ah, Anne, c'est pas toi dont je parle là. Il parle de Anne de la Bible, d'accord? Anne de chapitre 1, Samuel chapitre 2 là. Oui, chapitre 1 et chapitre 2. La Bible déclare que Pénine l'a poussé à mortifier son âme. Chaque jour, elle avait la peine dans le cœur. Pourquoi? Parce que Dieu avait en vue la préparation d'un prophète qui va venir sur la terre pour faire son œuvre. Regardez Manoac, la maman de Samson. Regardez comment elle n'accouche pas. Et chaque fois, les femmes, regardez Elisabeth. Et regardez l'enfant qui est né là-bas, qui a préparé le chemin pour le Messie. Maintenant, regardez. Oh, il faut qu'on pas fait in vitro. Il faut qu'on pas fait in vitro. Et les enfants de l'Antique, ils sortent partout là-bas. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a même le marché des spermatozoïdes aujourd'hui. Quelqu'un passe chez le docteur. Et dès que je n'accouche pas, écoutez-moi les choses chez les blancs là. Il passe chez le docteur. On lui sort les catalogues des différents spermatozoïdes. Il dit que c'est spermatozoïde. Si on a étudié ça, les yeux de l'enfant, le papa a les yeux bleus. Donc si tu fais un fécond avec ton spermatozoïde, ça va sortir les yeux bleus avec les cheveux blonds. Un noir aussi part là-bas, une noire part là-bas, il part prendre le spermatozoïde avec un monsieur qui ne produit pas pour avoir les yeux bleus. Voilà ce que genre de famille on va voir sur cette terre. C'est qu'est-ce qu'on cherche vraiment sur cette terre? On cherche le catalogue des spermatozoïdes, on voit les hommes. Peut-être c'est un brigand, peut-être c'est un ancien sataniste. On prend ce spermatozoïde, on fécond. Et la marche va venir dans ta famille, tu commences à voir quelqu'un qui est colosse, qui commence à tuer les gens, on dit que tu sors d'où? On cache des choses. Frère, il faut qu'on arrête ces choses-là. Mais dans la Bible, tous les gens qui ont des problèmes d'accouchement venaient de Dieu. C'est Dieu qui les avait rendus stériles. Dieu les a rendus stériles à dessein. Et il dit même aux femmes stériles que réjouis-toi stérile, et toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement. Parce que tes enfants vont devenir plus grands. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a un but derrière. Mais aujourd'hui, tellement de mariages même sont brisés parce qu'ils ne donnent pas l'enfant. 2 années, vous voyez, une femme ne couche pas. Ce sont ses parents du village qui disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas chez toi? Il n'y a pas de nouveau. On dit non. Le parent, en venant du village, prend une fille pour venir mettre à la maison. Que la voici. Que dort là-bas. La femme aussi avait les tractations. Vous voyez où on se retrouve là? Donc, ça dit que la famille est faite pour l'enfant. C'est le parent qui vient décider maintenant que vous devez accoucher. Accouche-moi les enfants. Je vais mourir sans voir les petits-fils. Elle est venue sur la terre pour voir les petits-fils et petites-filles. Donc, vous voyez, donc, on a des problèmes sur cette terre-ci. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Et c'est comme ça que les familles sont brisées à cause de ces choses-ci. Par manque de confiance à Dieu. Il est temps donc qu'on comprenne les événements. Que les événements qui nous gouvernent, les événements qui sont tout autour de nous, en tant que croyants, Dieu parle au travers de ces événements-là. Il n'y a rien au hasard. La protection divine nous est enseignée dans la Bible à tous égards. Regardez le peuple juif. Plus tard, Joseph va venir. La soeur Ophélie, là, ton micro est ouvert. Merci. Joseph va venir au fur et à mesure. Et puis plus tard, la famine qui devrait être annoncée est annoncée. Et puis plus tard, les juifs vont venir à 70 en Égypte. Ils vont y demeurer. De vivre, multiplier. Mais souvenez-vous, avant qu'ils ne descendent en Égypte, dans Genèse chapitre 15, Dieu en a parlé de leur aller là-bas. Sans dire comment ça va se passer. Sans dire comment ils vont arriver là-bas. Comment ils vont venir à être esclaves. Il a seulement dit à Abraham que sache que tes descendants seront esclaves dans un pays. Et moi, je vais les faire sortir après 4 générations par une même puissance. Dieu ne donne pas les détails, ce qui va les amener là-bas. Il ne donne pas le pourquoi ils seront captifs, le pourquoi ils seront esclaves. Mais le psaume 105 dit quelque chose. Allons-y, le psaume 105. Allons-y. Psaume 105. Que Dieu vous bénisse, peuple de France. Que Dieu vous bénisse. Amen. Psaume 105. Que notre Seigneur vous bénisse vraiment. Psaume 105. Vous y êtes. Louez l'Éternel. Non, pas là-bas. Louez l'Éternel. Verset 20 et suivant. Verset 20 jusqu'à 25. Ou bien jusqu'à 20 à 26. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et le gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple. Et ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Mes frères, regardez-moi. Vous connaissez l'événement dont on a raconté ici? Non. On parle de Joseph dont nous sommes en train de raconter l'histoire de Joseph là. On dit qu'il a laissé et puis Dieu l'a élevé, on a enlevé les chaînes pour le faire au premier ministre. C'est ce qu'on a dit là. Et que c'est à partir de cet instant, c'est Joseph qui enseignait la sagesse aux Égyptiens. Puis on dit maintenant qu'Israël est descendu en Égypte pour séjourner dans la tente des camps. Et là, Dieu a fait qu'il se multiplie. Donc ça veut dire que même les femmes qui accouchaient d'eux, c'est Dieu qui faisait. Quand l'homme voyait une femme comme ça pour draguer, pour aller faire comme ça, il faut qu'il accouche avec toi. C'est Dieu qui faisait. Parce que la Bible déclare qu'il rendit son peuple fécond. Il rendit son peuple fécond. Et c'est justement quand vous lisez Exode, quand ces rois-là ne connaissaient plus l'autre pharaon qui était là, qui ne connaissait pas Joseph et Jacob et tous les autres là, ne connaissaient pas, ils ont commencé à avoir peur. Et l'explication qu'ils m'ont donnée sur le plan humain, c'est que le peuple, si se multiplie comme ça, si survient une guerre, ils peuvent se joindre à l'ennemi pour nous captiver. C'est pour ça qu'il faut qu'on les soumette, un, à la limitation et au planning familial. La Bible déclare que c'est Dieu qui a rendu son peuple fécond. Et ici, se trouve dans les gens qui, humainement parlant, sur le plan physique, trouvent des explications plausibles. Qu'il y a le boom démographique. Que non, il y a trop de gens sur la terre. Il faut qu'on réduise la quoi, le champ. Sinon, à 7 millions, il n'y aura pas la nourriture. Écoutez-moi, vous, les Européens, là. Il faut cesser de mentir. Parce qu'il n'y aura jamais manque de nourriture sur la terre. Quand il y a manque de nourriture, c'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'il amène la famine sur la terre, comme en Égypte. Avant d'amener la famine sur la terre, il prépare son peuple à pouvoir survivre cela. Il n'y aura jamais manque de nourriture sur la terre. Parce qu'il a dit que tant que le soleil et la lune seront là-bas, les herbes qui portent des semences vont produire de la nourriture pour le bétail et pour l'homme. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas à un autre humain de se mettre sur la terre et commencer à limiter que non, il faut qu'on accouche maintenant d'eux. Il faut qu'on limite maintenant. On est déjà trop sur la terre. Quand on est déjà trop, si on avait limité avant qu'il ne naisse, lui-même serait où? Vous voyez les problèmes dans ce monde-ci? Tout ça, c'est pour combattre Dieu. Là, Pharaon va faire quoi? Pharaon va dire, il faut qu'on se tienne, on tient conseil. Si on laisse les gens se multiplier, on aura des problèmes ici. Donc, vous voyez que les premières recherches scientifiques, comment vous appelez ça, planning familial, a commencé en Égypte. Donc, vous voyez qu'un médecin fait le planning familial, c'est un pharaonique. C'est l'esprit du pharaon qui est sur lui. De toute façon, continuons ici. Et donc, quand ils vont trouver des possibilités humaines pour expliquer et de façon logique la limitation des naissances chez Israël, de ce côté-ci, la Bible déclare que c'est Dieu qui a rendu son peuple fécond. Vous voyez cela? Donc, en arrière-plan, c'est trouver Dieu qui faisait accoucher les gens. Sur le plan humain, c'est trouver les gens qui faisaient que cette fécondité-là cesse. Et là, en luttant contre la fécondité, la fécondation de ces femmes-là, ils luttaient contre Dieu. Et plus ils le faisaient, plus les femmes accouchaient de façon vigoureuse. Maintenant, la Bible déclare que Dieu a changé le cœur. Regardez très attentivement le verset 24 et 25. Dieu changea leur cœur pour qu'ils haïssent son peuple. Souvenez-vous de Genèse chapitre 15 où Dieu avait dit à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un peuple, dans un pays, et c'est moi qui vais les sortir par la même puissance. Maintenant, comment ça devait se faire? Ici, la Bible nous dit dans le plan que c'est Dieu qui a changé le cœur des Juifs, quoi, des Égyptiens, pour qu'ils haïssent les Israélites. Vous avez vu ça, frère? Alors vous allez dire, maintenant, comment se fait-il que les Égyptiens haïssent les Juifs comme ça? Ce n'est pas eux qui ont fait, c'est Dieu qui l'a fait. Et quand Moïse va venir pour les faire sortir, et verset 26 va dire là-bas qu'il a envoyé devant eux Moïse et Aaron. Vous voyez? Il a fait haïr que le peuple juif haïsse le peuple égyptien haïsse le peuple Israël. Puis quand ça va crier, on crie une fois, il n'entend pas. Quand le peuple, les premiers 50 ans, quand il soupirait sous le coup de l'esclavage, est-ce que Dieu ne voyait pas? Il voyait. Le jour qu'il a rencontré Moïse dans le désert, il avait dit que le cri du peuple est parvenu jusqu'à moi. Donc, depuis qu'il priait pendant 400 ans, c'était en train de monter doucement. Donc, ça venait d'arriver là-bas au ciel. Non. Il veut dire le temps de l'exaucement, le temps qui s'est fixé. Dieu fait tout chose en bas sur la terre. Lui-même a donné la loi que tout sous le soleil a un temps. Il y a un temps pour toute chose. Quand il veut réaliser que quelque chose n'est pas sur la terre, il y a un temps pour cela. Même si vous voulez que votre garçon devienne grand pour entrer maintenant à l'école normale, là maintenant, il ne peut pas grandir. Il doit parcourir une étape. Si l'enfant entre là, il dit, si l'enfant s'était déjà sorti, il pouvait faire tel événement. Il doit faire 9 mois. S'il sort avant, c'est un problème. Il sort après, c'est un problème. Il doit faire 9 mois. Vous voyez que si à 7 mois, il veut sortir, les docteurs vont faire tout pour le maintenir là-dedans. On va dire, mon ami, reste là-dedans, c'est pas encore le moment de sortir. S'il sort avant, on va dire prématuré. Et là, maintenant, d'autres paramètres entrent en jeu. Si Dieu à l'intérieur, au point Dieu dans les incisives commencent à sortir, on va dire, mon ami, c'est juste que c'est être un sorcier. Vous voyez effectivement qu'il y a un problème. Donc, il y a un temps pour naître. Il faut qu'il sorte à cet instant-là. Maintenant, Dieu ne dit rien à Moïse, il ne dit rien à Pharaon, il ne dit rien à telle ou telle personne, il a son plan à lui. pour l'église, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1 que ce sont les desseins éternels qu'il avait fixés en lui-même de réunir toutes choses en Christ. La Bible déclare dans Romains chapitre 9 qu'il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il ne demande pas à quelqu'un, personne ne doit lui réclamer comme Job le dit, qui lui demandera pourquoi tu agis ainsi. Il ne donne de compte à rendre à quelqu'un, il ne parle à personne. Quand il agit comme ça, qui pourra faire? Mais Dieu est puissant pour nous protéger. Tous ces événements-là et tous ces héros-là, depuis la Genèse, vous allez voir la protection. Abraham marche dans ce livre des Psaumes 105, la Bible déclare qu'ils ont permis que ses serviteurs aient ça et là. Il frappa le roi, les rois à cause d'eux. Mais pourtant, les rois avaient un royaume fixe, bien déterminé. Mais ses enfants, à lui, étaient errants partout sur la terre. Mais vous le touchez, c'est là où il va dire, maintenant, ne touchez pas à mes oies. Il a frappé le roi à cause d'Israël. Depuis la Genèse, on voit effectivement comment Abraham quitte d'un lieu à un autre. Il part à Guérar, il part séjourner chez Abimelech, il part un peu sur Ram, il part un peu à Mamré, il part dans le chêne là-bas à Beersheba. Il part voir le fils tous ces événements-là, il a dû marcher pour chercher pour mettre les empreintes de Dieu sur la terre afin de posséder le terrain que Dieu a promis comme en pèlerinage, pour montrer que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Mais maintenant, regardez très attentivement. Abimelech va prendre Sarah, sa femme, sous l'Isée Genèse chapitre 20. Qu'est-ce qui va lui arriver? Dieu va interdire à Abraham, à Abimelech, de toucher, sans pouvoir parler à Abimelech. Vous avez lu cet événement, n'est-ce pas? La main puissante de Dieu. Dieu a protégé la femme d'Abraham sans parler à Abraham, parce qu'Abraham a dit que c'est ma soeur. Quand on a pris comme ça, c'est ma soeur, on a vu que Sarah, à 90 ans, était la plus belle au point où le roi a laissé les jeunes filles de quartier pour aller prendre une femme de 90 ans. Que mère, Big Mami, tu es belle ici dehors. La Bible déclare qu'il a pris Sarah, amené au palais. Vous voyez la main puissante de Dieu. Abraham était hors du palais parce qu'on lui a dit que c'est le beau frère, donc on pouvait bien le traiter. Il a dit que mon ami, ici, c'est la casquette que tu portes, c'est la casquette de ma soeur. Et là, maintenant, on pouvait bien le traiter alors que c'était sa femme. Mais maintenant, la Bible déclare que Dieu est venu dans la nuit révéler à Abimelech que tu touches cette femme-là. Tu es un gars mort. Il dit que Seigneur, tu sais que j'ai agi avec pureté de cœur et de mains, mais le même but. Dieu dit, je sais que tu as agi ainsi. Il dit, c'est pour cela que je n'ai pas permis que tu pêches. Allons-y là-bas, Genèse. C'est merveilleux tout simplement. Genèse. Genèse chapitre 20. Verset 1 à 12. Genèse 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est merveilleux. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Ah, maintenant. Non, arrêtons là-bas. Attends. Alors, je pose la question. Voici. Oh mon Dieu, quel Dieu nous avons à servir. Dieu dit, je n'ai pas permis que tu la touches. N'est-ce pas, frère? Je vous raconte un autre événement. Bathsheba. Vous connaissez l'histoire de Bathsheba et d'un certain roi, n'est-ce pas? L'homme selon le cœur de Dieu, c'est qui? David. Quand il a regardé Bathsheba, Dieu a laissé aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce que derrière cet adultère-là, Dieu cherche quelque chose. Ici, mm-hmm. Dieu bloque parce que... Ah, vous ne connaissez pas ce Dieu, vous ne connaissez pas le Dieu que nous servons, frère. S'il veut bloquer, que tu ne pêches pas, il va bloquer. Voilà la preuve là-bas. Et il ne le fait pas à un païen. Donc, dans le palais, quand le roi voyait Sarah, il dit qu'il va te traiter ce soir. En voyant un événement, il ne vient pas résoudre un dossier. Le soir, il est fatigué, c'est quoi? Il dit, j'ai oublié de toucher cette femme cette nuit-ci. Après demain, encore, il va faire quelque chose. On dit que le roi, il y a tel roi là qui vient en audience. Il fait, après le soir, il est fatigué. Il croit que les événements là le fatiguent. C'est Dieu. Dieu dit que c'est lui qui a fait cela. Il dit, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu pêches contre moi. Frère, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. C'est pour ça que personne ne doit réjouir de sa puissance d'avoir fait quoi que ce soit. Parce que si Dieu n'avait pas les événements là-bas, vous ne verrez nulle part un grand ange qui est venu dire à Abimelech que ne touche pas Sarah, ou bien Dieu a grondé avec le tonnerre que ne touche pas Sarah. Nos facultés sont entre ses mains. Il utilise les circonstances pour nous détourner des événements. Pendant que tu quittes pour aller faire quelque chose, tu crois que c'est cette chose-là que tu veux faire. C'est Dieu qui te pousse là-bas pour que tu puisses faire ces choses. Mais on ne voit pas sa main derrière. Donc désormais, voyons Dieu dans nos vies quotidiennes. Amen. Voyons Dieu dans nos vies quotidiennes. Quand des choses nous arrivent, rendons gloire à Dieu parce que c'est sa même puissance. C'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière ces événements-là. C'est le Seigneur qui nous protège. Vous voyez? Quand on se glorifie de la sorte, non. Hey! Non, j'ai la chance, j'ai le ton. Je suis fort ici. Mon grand-père avait craché dans mes mains. Que les ancêtres te protègent. Les ancêtres, là, ils s'en sortent là où ils se trouvent. C'est le Seigneur qui protège. La Bible déclare que si le Seigneur ne protège, et dit celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Oui. Il garde notre départ, il garde notre arrivée, et il dit dès maintenant et à jamais. Et le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28 que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Ne croyez pas que quand il y a protection chaque fois et que l'événement mauvais n'arrive pas, ça veut dire que c'est la sûreté, il faut qu'on dorme sur ses lauriers. Que non. Il peut permettre que les choses arrivent. Et quand il permet que ça arrive, parce qu'au point où ça nous touche, il a un but qu'il a en train de rechercher. Prenez le cas de l'adultère. Vous voyez là, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous allez dire comment un homme selon le cœur de Dieu qui a la puissance du Saint-Esprit, qui a une relation, une communion avec le Seigneur, fait de ces choses-là. Si ce n'était pas comme ça, Salomon ne sortirait pas comme ça. Pas vrai, frère? Salomon devait sortir de ses entrailles au travers de Bathsheba. N'est-ce pas, mes soeurs? Voici quelqu'un, un roi païen, que Dieu protège, qui ne pêche pas contre lui. Mais l'homme, selon son cœur, il le laisse faire l'adultère. Et quand il finit de faire, maintenant il envoie Nathan là-bas, il entre en scène. N'est-ce pas, mes frères? Et regardez Samson. Regardez comment il part jusqu'à ce qu'on crève ses yeux. On lui avait dit qu'on ne coiffe, qu'on coupe pas les cheveux, jusqu'à ce qu'au point où il part livrer le secret. Il livre le secret. Et la Bible déclare que le problème là, c'est depuis le chapitre 14 du livre des Juges. Il est descendu à Timna, il a vu une jeune fille, la fille a tourné les reins comme ça, il dit « Mère, frère Junior prêche que les femmes se couvrent, on cache les bonnes choses là-bas en Israël. » Alors qu'ici, on voit l'effort, que la forme s'y va nous tuer seulement. Il est rentré chez son père, là-bas, il a dit que « Descends à Timna, là-bas à Timna, cherche, prends-moi une femme, là-bas, une femme. » Il dit « Tu ne vois pas les femmes vertueuses ici, là ?» Il dit « Non, laisse-moi les femmes vertueuses. » Elles s'habillent seulement encore, elles couvrent les choses. Il dit que « Descends là-bas. » La Bible déclare dans le verset du chapitre 14 des juges que c'est par. Allons-y aussi là-bas. Allons-y. Regarde, je suis en train de vous montrer Dieu derrière les événements, comment il fait pour nous protéger, pour guider. Juge, chapitre 14. Donc nous avons le temps que vous trouvez le juge. Je n'ai pas dit Jude, juge. Le livre du juge. Donc vous voyez effectivement comment Dieu a protégé non seulement Abraham ici, en séjour à Guéra. Il a protégé Sarah qu'on ne la touche pas pour la souiller. Il a protégé, comment il s'appelle Abimelech pour qu'il ne pêche pas devant le Seigneur. Ça coûtait quoi au Seigneur de le laisser pécher? Il le pêche, après il le tue. C'est le même événement qui va se passer avec Pharaon. Il va rendre toute la maison de Pharaon stérile, n'est-ce pas? Au point où il va demander maintenant qu'on vienne plutôt que Abraham prie. Alors que c'est Abraham qui a créé le problème avec sa petite parole là de flatterie. Vous y êtes? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de France. Amen. Juge 14, verset 1 et verset 2. Allons-y. Juge 14. Samson descendit à Tima, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit, « J'ai vu à Tima une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Continue, mon frère. Continue. Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Amen. Car Samson cherchait une occasion de dispute. Une occasion de dispute. De la part. Donc, ça veut dire que ce qui va conduire jusqu'à ce qu'on crève son œil là, c'est dans la volonté de Dieu. Vous voyez pourquoi je dis qu'aucun serviteur de Dieu n'est sûr à sa mission? Aucun serviteur. Parce qu'il fallait une dispute, une occasion de dispute qui ait un contact avec les Philistins. La Bible déclare que ses parents ne savaient pas que ceci venait de qui? De l'Éternel. Donc, quand il est descendu, quand la fille est passée devant lui comme ça, comme Jennifer le père, tourner les femmes comme ça là, comme Beyoncé, il a dit merde. L'allumage là venait de Dieu. Absolument. N'est-ce pas, mes frères? Maintenant, si vous lisez, maintenant, vous allez chercher les Philistins, vous dites non, non, non, j'ai vu une païenne là qui me plaît. Il faut que vous regardez, vérifiez si votre événement aussi vient de Dieu. Ne lisez pas pour dire que Samson allait prendre là-bas. Il y a un but que Dieu cherchait là derrière. Donc, ce n'est pas une occasion pour aller faire ces mêmes choses-là. Alors, vous voyez effectivement que même dans cet événement, la Bible déclare que ça venait de Dieu. Or, quand, si vous lisez au chapitre 13, quand l'ange va se présenter, l'ange de l'Éternel va se présenter à sa femme pour lui demander qu'elle ne boit pas de l'alcool, ne prend pas des choses enivrantes jusqu'à ce que. Parce qu'elle va avoir un enfant qu'on ne doit pas couper ses cheveux. Le but de ses cheveux-là, parce qu'il sera consacré dès le ventre de sa maman, il vient pour un but pour juger. Parce que c'est un juge combattant, un juge tueur. L'esprit va commencer à l'agiter là-bas partout pour qu'il ne pas tuer. Il prend le caca d'Anna, il tue 3000 personnes, 1000 personnes, il est tape. Pourquoi? Parce qu'il est là pour conquérir et pour mettre le jugement de Dieu. C'est un juge punisseur. Maintenant, il faut qu'il cherche une occasion où il y avait les Philistins sont de l'autre côté, il ne sait pas comment il va faire pour faire. Dieu met un trait du nom entre lui et la femme de là-bas pour que ça crée problème. Pourtant, la loi de Dieu dit clairement que les fils d'Israël ne doivent pas prendre les filles là-bas et les filles d'Israël ne doivent pas faire. Mais Dieu permet cela pour faire une œuvre. Donc, nous voyons effectivement une fois de plus que derrière cet événement, si Dieu est derrière, il veille sur cela. On dit son père et sa mère, et quand son père et sa mère sont morts sans jamais savoir que ça vient de Dieu. C'est nous qui avons l'événement écrit dans la Bible qui savons cela. Vous voyez cela, frère? Oui, mon frère Christian, tu voulais parler. Oui, je voulais demander la mâchoire de l'âne qu'il a pris et tué 1000 Philistins avec là. Apparemment, on dit que quand il se coucha, il eut soif. Et il demanda à Dieu que tu vas laisser mourir de soif ton serviteur. Et l'eau est sortie dans cette mâchoire-là. Oui. Ça me paraît un peu. Voilà, je voulais que tu m'expliques un peu pourquoi. Il t'explique quoi? C'est moi qui ai fait que l'eau sorte de la mâchoire. Quand il a fait que l'eau sorte du rocher, frère. Non, mais il dit c'est impressionnant, je veux dire. L'eau sort dans cette mâchoire. C'est notre Dieu. Notre Dieu fait des choses inouïes. Dans le livre des deux rois, on voit quelqu'un qui a loué la tête des haches pour pouvoir couper le bois. Pendant qu'il coupait en bordure de mer, c'est entré dans l'eau. C'est entré. Oh, les jeunes prophètes ont dit que je suis mort parce que le fait en ce moment-là pour pouvoir couper du bois, c'est. On voit, il dit la protection de Dieu. Le prophète a dit où est-ce que ce marteau-là est tombé? Ils ont dit c'est pas ici. Il a coupé du bois, lancé là-bas. Le bois est allé dans l'eau, le fer est monté. Et on a envoyé la main pour prendre le fer. Ça s'explique là, frère? Non. Quand on lance le bois dans l'eau, est-ce que le bois peut entrer dans l'eau? Peut immerger. Non. Donc, le bois est entré dans l'eau. Regardez la masse volumique de l'eau, la masse volumique du fer et la masse volumique du bois. La masse volumique du fer fait l'état, c'est que le bois, quand le fer tombe dans l'eau, ça va automatiquement en bas. Il a coupé du bois, lancé au-dessus de l'eau, le bois est allé en bas, c'est remonté. Allez appliquer le principe de la poussée d'Archimède là-bas, voir. C'est hors la science. Quelqu'un cueille du poison, il y a la mort dans le pot. Hein? Donc il y a du poison, oui. Il ne dit pas que balancer la nourriture là au champ. Il prend du couscous, il donne mal à la farine. Il verse à l'intérieur. Si quelqu'un dit, on dit qu'il y a le poison dans la nourriture, quelqu'un dit, on souffre cette nourriture, on dit, mange, il n'y a pas le poison. Ce que vous allez dire aujourd'hui, c'est que toi-même mange d'abord pour qu'on voit vraiment que c'est sûr que le poison est fini. Parfait. Le prophète prend la farine, il verse à l'intérieur, il dit que maintenant vous pouvez le faire. On dit, l'eau est tellement absente, il y a tellement de poison dans l'eau, il est donné mal du sel. Dans un plan, dans le blanc, dans le sol, il verse là-bas et l'eau devient sainte. Frère, c'est inexplicable. Ne me demande pas ce qui est du domaine de Dieu, laisse ça au domaine de Dieu. L'eau est sortie dans la mâchoire de l'âne, point. On continue notre événement. Alors, nous voyons que nous avons un Dieu puissant, un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. Dans cet Ésaïe chapitre 43 que nous avons lu aujourd'hui, il a dit que si tu travailles dans les eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit que vous allez nager ensemble, il dit que je serai avec toi. Il veut dire qu'il contrôle les circonstances. Et on a vu l'apôtre Paul dans Actes chapitre 28 qui a traversé les eaux jusqu'à ce qu'ils ont fait chavirer, mais ils sont arrivés chuter à l'île des Mâles. Et remarquez très attentivement que même cette chute-là a fait qu'il y ait des conversions à l'île des Mâles. Le chef du village qui était là-bas était malade, il a guéri les gens là-bas, l'évangile a été annoncé là-bas. Le verset suivant de ce livre d'Ésaïe 43 dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. On a vu Abednego, Shadrach et Meshach dans le feu. Donc pour montrer effectivement qu'il dit une chose et c'est vraiment dans la parole. Par conséquent, nous n'avons pas à craindre parce que quel que soit l'événement qui se trouve sur cette terre-ci, notre grand Dieu est puissant et il soutient ces événements. Il est derrière les événements parce que Satan travaille sous son contrôle. Il travaille sous sa direction. Amen. Amen. Amen. La France dans la sainteté, est-ce qu'il peut continuer? Oui, effectivement. S'il te plaît, oui. Je voudrais d'abord savoir, avant que tu continues, quand on parle tout le temps de l'Égypte dans la Bible, c'est tout l'Afrique ou c'est juste l'Égypte qu'on connaît là, en fait? Bonne question. Il y a des moments où ça refait seulement au pays de Cam. Là-bas, il y a des moments où il parle dans toute l'Afrique entière, comme dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, où il parle de la prophétie sur l'Afrique. D'accord, ma soeur? D'accord. Et il y a un moment donc où ça symbolise plutôt le monde entier. D'accord? D'accord. Je peux continuer? D'accord. Notre Dieu est puissant, pas vrai? Notre Dieu est puissant. À un moment donné, oui. Il est puissant, il est même tout puissant. Même si on ne dit pas qu'il est puissant, il est quand même puissant. Il est tellement tout puissant qu'il peut se rendre petit. On le tape même, il ne rend pas sans que ça ne fait pas de lui qu'il ne soit pas tout puissant. N'est-ce pas la soeur Gertrude? Alors, je pose donc la question. Quand quelque chose nous arrive, lorsque nous posons la question, Seigneur, est-ce que tu vois même ce qu'on me fait? Vous pensez que c'est une parole de foi, ça? Non, du tout. Seigneur, tu vois comment je s'ouvre. Vous voulez dire que celui qui a créé tes yeux, comme toi, tu vois là, tu vois mieux que lui? Seigneur, tu as entendu comment on me traite? Est-ce que, quand il a fait tes oreilles là, tes oreilles sont mieux raffinées que le sien? Dieu contrôle toutes nos circonstances et voici la plus grande révélation pour nous aujourd'hui, c'est que tout événement qui nous arrive, c'est prévu par Dieu dans son plan. Rien n'est nouveau dans le plan de Dieu. Et les personnes que vous allez rencontrer, et les personnes avec qui vous allez parler, ceux qui vont vous faire briser le cœur, ceux qui vont être là pour faire quoi que ce soit de mal chez vous, ne vous attendez pas à rencontrer les bonnes personnes, parce que les personnes mauvaises sont nécessaires. Si Judas n'était pas là pour vendre Jésus, comment devait aller à la croix? Si les gens n'avaient pas l'argent pour payer, comment ils devaient aller être morts? Il faut que les gens qui doivent acheter, des gens qui doivent trahir, le Seigneur a fait tout pour un but, même le méchant pour être détruit, pour le jour du malheur, n'est-ce pas? Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire que ce malheur, si est sous le contrôle du Seigneur, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire que ce mal-là est fait par Dieu pour chercher quelque chose derrière lui. Lorsque vous êtes là, vous dites, ah non, Seigneur, ma soeur, le Seigneur est bon. J'avais la colère en moi. Je n'ai plus la colère. Peut-être que tu avais un degré de colère. Tu n'as pas. Il vient, il te met quelqu'un autour de toi qui va te nuire au point où tu vas dire que non, là, tu as dépassé la goutte d'eau qui a dépassé le vase. C'est là où tu te rends compte que la colère était encore là. Cette personne est là pour faire extirper cette colère, pour te montrer. Dieu ne te dit pas que sache qu'il y a la colère en toi. Il peut le dire. Mais il met les gens à côté de toi pour qu'ils te créent des problèmes, pour que tu comprennes toi-même que tu dis que mon côté animal, avant de dire, je suis chrétien, mon côté animal. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous commencez à comprendre que cet événement s'est arrivé pour faire comprendre qu'à l'intérieur de toi se trouve quelque chose. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc, les mauvaises personnes qui sont autour de nous ne sont pas nos ennemis, que non. Ils sont là pour nous parfaire dans la vie de la foi. Ils sont là pour nous parfaire dans la vie de la foi. Amen. Amen. On peut continuer, frère? Oui. Oui, ça me rappelle un peu Néhémie 3:14, voilà. Où il a dit que ne le craignez point, rappelez-vous toujours du Seigneur, que c'est un Seigneur redoutable. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit la tout. Oui, vas-y, mon frère, il commence à connaître, il y a des soucis là. Ah, mauvais. Mm-hmm. On ne peut plus se rappeler, comme je dis dans Néhémie là. C'est-à-dire que quel que soit l'événement qui arrive, qu'on se souvient qu'on a un grand Dieu qui est le Tout-Puissant et redoutable. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment retenir cela au point aussi c'est fort? La nuit, on ne doit pas appeler que frère Junior. Pardon, lève-toi, tu intercèdes, tu dors. On a dit que je dois dormir. Il y a une personne qui ne dort pas. Dans le psaume 121, on dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni dort. C'est lui qu'il faut invoquer quand, à tout moment. Il n'a pas dit qu'on importune le pasteur. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Donc, il ne faut pas qu'on dise, oh Seigneur, au secours. Ce n'est pas le 119, ni le 118 par ici là. Regardez, c'est lui qu'il faut invoquer. La Bible dit que quand le peuple en tout temps invoquait le Seigneur, quiconque invoquera le nom des juniors sera sauvé. Vous avez vu ça, le verset là, non? Non. Vous avez vu quiconque invoquera le nom du frère junior sera sauvé? Non. Vous avez entendu que le nom du frère junior fait enfanter les biches? Non. Vous avez entendu que le nom du frère junior est une tour forte, le juste ici réfugié se trouve en sûreté? Non. Donc faisons attention. Notre Dieu donc est puissant. Il est tout puissant. C'est un Dieu qui réconforte. De telle enseigne que même si les événements, c'est ça le vrai problème. Le problème avec nous, c'est que la chair n'aime pas la souffrance, naturellement. Ça n'aime pas la souffrance. Maintenant, lorsqu'on n'a pas assimilé que c'est nécessaire pour nous que des choses nous arrivent, que ces souffrances-là, même que nous souffrons pour un peu de temps, la Bible déclare qu'après que nous ayons été persécutés, souffert pour un peu de temps, Dieu nous perfectionnera. Donc la souffrance dans nos vies est faite pour nous perfectionner dans l'œuvre de la foi, dans l'œuvre de notre foi, n'est-ce pas? Donc qui souffre, qui fuit les souffrances, restera avec les graisses du péché. Amen. Donc, ne voyez pas les églises où les gens sont habillés en veste. Ils disent que non, Christ a tout payé à la croix. Lui ne souffre. Non, je ne souffrirai jamais, vraiment. La veste là et les événements, les habits qu'ils portent là ferment la graisse du péché à l'intérieur. Ce sont ces personnes-là que quand le mal arrive, ils ont peur de parler, d'en parler. Parce qu'on va dire que mais, tu avais dit que ta foi est forte. Ça t'arrive comme ça, tu fais comment? Regardez tous ces télé-évangiles-là qui disent ces choses-là. Vous entendez d'autres mères de cancer de prostate, d'autres mères de crise cardiaque. Où est parti le Seigneur qui disait que non, Satan ne peut pas habiter dans mon corps. La maladie ne peut pas habiter dans mon corps. Parce que le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Lui-même était fatigué jusqu'à il marchait sur la terre. N'est-ce pas, mes frères? Tout à fait. Oui, ma soeur. Oui, en fait, depuis tu parles et ça me rappelle une scène que j'ai vécue il y a 2-3 jours. Je veux juste, ça va mettre 3 secondes. Je veux vraiment dire que le Seigneur est puissant. Il y a quelques jours, je me suis retrouvée dans un endroit et il faisait tellement chaud dehors. J'avais un peu, avec le jeûne, tout ça, j'avais même un peu, je me suis sentie vraiment épuisée. Et le seul endroit où je pouvais m'asseoir, c'était, comment on appelle ça, une chapelle. Une chapelle en fait, une grande chapelle catholique, quoi, Babylone. Je me suis dit, dans mon cœur, je n'arrêtais pas de bagarrer, que Mélétita, tu ne peux pas entrer. Il y avait une célébration à l'intérieur, tu ne peux pas entrer à l'intérieur, tu ne peux pas entrer avec tout ce qui se. Tu connais ce que les catholiques idolâtrent et tout et tout. À un moment donné, c'était plus fort que moi, j'étais vraiment dépassée. Je suis entrée pour m'asseoir et j'étais tout au fond. Et Marie, là, à l'instant, 2 minutes après où je me suis assise, j'ai entendu une information. Et j'ai seulement dit merci Seigneur. Là, j'ai vraiment compris que le Seigneur ne fait rien au hasard. C'est-à-dire, le prêtre qui disait, je pense, la bénédiction finale quand on fait les annonces et tout ça, j'ai entendu une information. Il parlait d'une construction d'un temple à Yaoundé, enfin, pas un temple, je ne sais pas, une basilique, je ne sais pas trop, à Yaoundé, où ils vont construire une statue de Marie de plus de combien de mètres. Et j'étais dans mes pensées et là, ça a résonné dans mon cœur. Je me suis dit, mais en fait, ça m'a surtout interpellé par rapport à l'enlèvement, par rapport à l'enlèvement du Seigneur. Et là, j'ai dit, parce que j'avais des remords, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne pouvais pas rester même 2 minutes assise et tout, 2 minutes debout, 2 minutes de plus debout. Et là, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Absolument. Tu voulais vraiment, ça m'a plutôt interpellé pour que vraiment je puisse davantage me sanctifier. Parce que je me suis dit, c'est quoi ces statues de 3 mètres de Marie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tout de suite, le Seigneur a parlé à mon cœur, sanctifie-toi davantage parce que je suis vraiment très proche. Amen. Et là, en 2011, j'en ai parlé par rapport à ces statues. J'ai dit qu'ils ont fait une prière en soumettant le Cameroun à la reine du ciel. Ils vont élever une statue. Et j'avais parlé même de la zone de Kribi et de la zone de Yaoundé. J'en ai parlé dans un enseignement. Et grâce rendue à Dieu que ce soit ainsi. La reine du ciel gouverne le monde. On ne peut pas faire autrement. Et donc là, où tu vois effectivement que même l'événement qui se trouve là-bas, c'est pas toi qui as voulu pour y entrer. Tu te souffres tout simplement dans la circonstance, n'est-ce pas mon frère, ma soeur? Exactement. Amen. On peut continuer. Ces jours, la France dans la sainteté. Oui. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Que vous l'admettez ou non, en tant que croyant, vous avez été dirigé par le Saint-Esprit de façon consciente ou inconsciente à votre insu. Que vous le vouliez ou pas. Des événements vous sont arrivés que le Saint-Esprit vous a utilisé sans votre concours ni sans votre faculté. Ou il vous utilise, vous faites seulement quelque chose et puis vous rendez compte que les événements se sont bien passés, tout s'est bien passé, mais vous ne savez pas que le Saint-Esprit le fait. Regardez ce le livre des Juges, chapitre 6 et chapitre 7 également. Gédéon, Dieu va l'appeler, il va lui demander d'aller pour lutter pour aller sauver Israël avec 300 hommes. Là, il va commencer à avoir des sièges, des techniques pour pouvoir savoir vraiment si Dieu est en train de lui parler. Dieu va lui dire, si tu descends le grand matin là-bas, écoutez très attentivement comment Dieu, ah, quel Dieu nous avons à servir. Il dit à Gédéon de descendre avec son serviteur, de descendre là-bas le matin, on va lui dire, vous connaissez l'événement dont je suis en train de parler, mes frères? Tout à fait. Comment le frère Yannick me regarde comme ça, comme s'il y avait un autre livre que j'ai écrit? Tu connais cet événement, n'est-ce pas, mon frère Yannick? Je te suis tout à fait, frère. Ouais, tu connais cela. Parce que je suis en train de raconter. Il faut qu'il me raconte des choses que vous savez. Alors, Gédéon va descendre le matin. Nous trouvons là. Israël se campe dans cet endroit. Là, les Madianites se campent de l'autre endroit. Gédéon est dans son côté. Il lutte avec Dieu. Parce que Dieu lui dit que pas. Il dit que le camp là, ils sont près de 2 millions. Nous sommes 300. Et le tissu me dit qu'il y avait 300 personnes. Il veut battre ceci. Dieu lui dit ok, va le matin très tôt. Va dans le camp de l'autre là. Tu vas savoir de quoi il est question. Il se lève le grand matin, il faufile dans les herbes avec son serviteur, il faufile dans les serviteurs. Écoutez très attentivement. La Bible déclare que un des soldats là-bas avait eu un songe la nuit. Il a eu un songe la nuit. Et Gédéon arrive jusqu'à ce qu'il se positionne, il reste là. C'est là maintenant où ce soldat commence à raconter le songe. Quand il raconte le songe, il croit qu'il a de raconter le songe à son compatriote. Il ne sait pas qu'il a de raconter à celui qui est caché dans les herbes. Frère, Dieu, notre Dieu est puissant. Il raconte le songe. Allons-y là-bas, le livre des juges. Allons-y. Juge, rentrons dans le juge là. Ah mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous y êtes? Chapitre 7 des juges, à partir du verset 9. Chapitre 7. Jusqu'au verset 15. J'ai Juges chapitre 7, verset 9 à 15. Que Dieu vous bénisse, peuple de France. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tout ça, la sœur Ophélie, la sœur Nafi, la sœur Flora, la sœur Kétia, la sœur Kélu, vous écoutez. Hein? Allons-y, mon frère. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. Lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Vous entendez ça? Descendons au camp. Attendons. Qui est le peuple de Dieu ici? C'est le peuple de Gédéon. Mais il dit descend. Ce que tu vas entendre va te fortifier. Est-ce qu'au monde, la personne, parce que plus tard on va aussi le tuer, celui qui va dire cela, est-ce qu'il sait qu'il a été utilisé par le Saint-Esprit? Non, du tout, il ne sait pas. Mes frères, nos ennemis sont sous la conduite du Saint-Esprit. Nos ennemis sont sous la conduite. Amen. Lisons. Dieu lui dit, descends. Ce que tu écouteras va te fortifier, n'est-ce pas, frère? Tout à fait. Mais ça coûte quoi à Dieu de donner une vision à quelqu'un dans le camp d'Israël? Dans le camp d'Israël. Ou bien donner un grand songe à Gédéon la nuit pour lui dire, voilà comment ça va se dérouler les événements. Mais il passe par l'ennemi qui est en train de lutter contre Israël. Alors, suivons Dieu là, suivons-le. Ça va te bien fortifier, descend. Alors, tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retrouvée sans dessus-dessous, et elle a renversé. Attends, chez la sœur Anne, c'est désagréable. Je ne sais pas sur quel support vous êtes. Si vous êtes sur le même téléphone, vous ne pouvez pas couper la ligne. Parce que si vous coupez la ligne, là, vous n'aurez pas recevoir non plus le Skype. Donc, par conséquent, il faut couper plutôt le micro. Parce que chaque dimanche, vous avez des appels de l'Italie. Allons-y, mon frère. Alors, j'étais où? Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit. Et il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et il dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Amen. Amen. Vous avez entendu ça, frère? Donc, c'est l'ennemi qui donne le songe et l'autre ennemi donne l'explication. L'ennemi dit lui que l'Éternel a livré entre les mains le camp de Madian. Mais lui, il est dans le camp, il reste là. Si toi-même, tu donnes déjà d'explication, tu vas encore rester là-bas, mes frères? Non, parce que tu faisais partie des ennemis qui fallait nettoyer. Alors, il restait là par sa volonté. Et voilà, donc vous voyez effectivement que ça ne sert à rien d'envoyer le feu sur les ennemis, n'est-ce pas? Tout à fait. Ils sont sous le contrôle du Seigneur. Si le Seigneur désire que... Ah, je crois que le frère Francis veut vous dire bonjour ici. Frère Francis, il est où le frère Francis? Il est sorti déjà. Ok. Non, prise victoire. Donc c'est bon. Alors, vous voyez effectivement que en réalité, si on comprend la façon de Dieu d'agir, vous allez voir que Dieu n'est pas notre problème. Les gens qui sont autour de nous ne sont pas nos problèmes. Il faut seulement s'abandonner entre les mains de Dieu, dans sa main tout-puissante. Alors, regardons, allons dans le livre de Deux Rois. Voyons encore un autre événement amusant là-bas. Deux Rois. Dieu protège. Dieu protège les siens. Dieu a le regard. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9, la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour regarder ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, souvenez-vous que, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, pendant que vous en avez trouvé ce livre des Deux Rois, là, au chapitre 4, chapitre 5, ici, donc on va lire là. Remarquez très attentivement que dans la Bible, l'apôtre Paul était à Jopé. Il était à Jopé. On a envoyé un ange descendu du ciel, dit à Cornèque, envoie à Jopé, appelé Pierre. Il est logé chez un certain tel ou tel, tel. Donc au ciel, on savait exactement où il se trouvait. On connaissait même la maison de la personne où il se trouvait. Donc cette personne s'est accueillie Pierre et murmura en disant que Pierre, si, il ne sait pas que l'apôtre Pierre mangeait comme ça. Merde, le gars, s'il mange comme il se l'a fait. Au ciel, on connaît cela. Frère, faisons attention avec le Dieu que nous invoquons. Faisons attention avec le Dieu que nous invoquons. Le Dieu que nous servons. Corneille, quand l'ange est venu, il n'est pas allé se renseigner de là où il se retrouvait. Il est venu chez lui. Il dit, Corneille, homme bien-aimé de Dieu, maintenant tes prières et tes hommes ont été exaucés. Quand il priait chaque fois là-bas, il ne voyait pas des événements. Mais le jour où Dieu a décidé, il est venu. Vous voyez ça, frère? Il dit, envoie maintenant à Jopé. Il n'est pas allé à Jopé appeler Pierre. Il a dit, toi-même, envoie. Il lui donne le renseignement où l'apôtre Pierre se situe. Chez qui il est. Donne la position de la mer. Donc, quand la personne vit là-bas, au ciel, on connaît qu'il est là-bas. Si Dieu veut le visiter, il va le visiter là-bas. N'est-ce pas, mes frères? Donc faisons attention avec le Dieu que nous servons. Ne croyons pas que nous sommes isolés des frères ou nous sommes isolés pour nous pouvons pécher et que Dieu ne voit pas. Nous ne péchons pas contre un frère. Nous ne péchons pas. C'est vrai que ça peut faire du mal à un frère parce que le péché fait du mal à autrui et à nous-mêmes. Là, maintenant, nous devons comprendre que notre Dieu a le regard sur nous. La Bible déclare que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour voir tout ce qui le crée tout entier à lui. Donc, souvenez-vous du cas de Joseph. Chaque fois que vous êtes dans le mal, souvenez-vous de n'importe quel milieu où vous vous trouvez. Souvenez-vous de Joseph. Il était en Égypte. Était en Égypte, il était encore esclave. Il était en esclave, il était accusé injustement en prison. Il pouvait faire toutes choses là-bas avec les homosexualités qui existent. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il savait qu'il craignait Dieu. Il savait que même s'il souffre n'importe comment, Dieu est au courant de cela. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, les imprécations pour que la femme de Potiphar périsse en enfer. Il n'a pas demandé qu'on l'enchaîne dans le plus profond de l'enfer, que non. Il savait que c'est Dieu faisant. Amen. Deux Rois. Deux Rois, chapitre 6. Nous allons lire le chapitre 6 entièrement à partir du verset 8 jusqu'au verset, parce qu'il y a deux événements là-bas, deux groupes d'événements qu'on va expliquer là-bas. Chapitre 6 à partir du verset 8. Allons-y, mon frère. Alors, verset 2 Rois, chapitre 6. À partir du verset 8. Ok, à partir du verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, et des chevaux et des chars, et des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, «

à espérer encore de l'éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Donc vous voyez effectivement que même le roi a envoyé, parce que c'était fort en Samarie, parce qu'on dit que c'est le prophète là qui crée le problème, qu'on savait ces histoires de prophéties, qui crée qu'ainsi par l'éternel, la famille va venir. Voilà les difficultés qu'il a amenées avec sa parole là, au point où on vend les gens mangent même les femmes, les enfants. Il dit que Dieu me tâte de tous ces regards si la tête d'Élisée reste sur lui. Donc il m'en veut comme ça couper sa tête. Il envoie son serviteur. Pendant qu'il en a dit comme ça, il est de l'autre côté en train d'entendre. Ah, les prophètes. Il est en train d'entendre. Il dit que le fils d'assassin est en train d'arriver. Il envoie même couper la tête. Donc pendant que tu fais ta chose là, tu ne sais pas que quelqu'un est en train d'entendre. Il faut qu'on fasse vraiment attention. Dieu est puissant pour nous protéger. Je vais continuer à raconter d'autres événements maintenant. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 3, ils vont guérir quelqu'un. On va le prendre, les mettre en prison. Ils seront dans la prison. Ils seront dans la prison. L'ange est venu les prendre dans la prison, les mettre dans le temple, sans que la grille ne soit ouverte. La Bible déclare que le lendemain matin, le Sanhédrin va se mettre en place. On va envoyer les huissiers, allez les chercher, vous venez pour qu'on les juge. Ils sont allés ouvrir le portail avec leurs propres clés, entrer à l'intérieur. Nous sommes dans des apôtres là. Chercher les gens, ils disent que merde, Wanda faut pas là-bas. C'est la magie qu'on voit ici là. Ils rentrent, ils disent que merde, on est parti. On a vu les portes et les grilles de prison soigneusement, c'est ce qu'ils disent. Soigneusement fermées, mais eux, on ne les a pas vus. Cet événement devrait être suffisant pour que les peuples comprennent que ces gens-ci sont extraordinaires. Ils devraient comprendre que quelque chose ne va pas avec eux. Si Dieu veut les faire disparaître des prisons, il va les faire les disparaître. Et l'ange ne les a pas fait sortir dans les Jérusalem pour aller les envoyer en Syrie, non. Il les a envoyés dans le même temple où on les a attrapés, que aller là-bas. Allons-y, Actes des Apôtres, chapitre 5. Que notre Seigneur vous bénisse. Ouais, que les scènes écritures sont tellement intéressantes, n'est-ce pas? Verset 17 et suivant. Acte 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tout ce qui était avec lui, savoir le parti des Sadducéens, s'élevèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du peuple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. C'est bon. Quand on est aveuglé, quand les événements de Dieu se passent, on peut être aveuglé sans s'en rendre compte. Normalement, il devait d'abord poser la question aux apôtres, dites-nous comment vous avez fait pour sortir là-bas. Normalement, c'est la question, parce qu'on les a fermés la veille qu'on a la prison. On vient, on ouvre la grille de la prison, c'est fermé. On n'a pas cassé, il n'y a pas eu de creuset, on n'a pas creusé. Mais c'est toujours là-bas en train de prêcher. Ils sont sortis en liberté et n'ont pas fui. Ils sont là, ils font la même chose pour laquelle on les a fermés. Les gens devraient comprendre que quelque chose ne va pas avec ces gens-là. Vous voyez? Or, maintenant, je suis en train de prendre ceci pour voir. Voilà les apôtres. Vous voyez comment Dieu protège les apôtres. Nous sommes au chapitre 5. Au chapitre 12, Hérode va faire décapiter l'apôtre Jacques. Dieu a permis qu'il fasse l'apôtre Jacques. La Bible déclare que voyant que cela a plu aux Juifs, il a mis l'apôtre Pierre en prison, disant que quand après la fête, il va aller le livrer. La nuit, l'ange est venu L'apôtre Pierre était couché là. Il ne disait pas que le Seigneur frappe d'aveuglement et retue le souverain sacrificateur. Il était là couché parce qu'il sait qu'il est serviteur du Seigneur. Il s'est abandonné entre ses mains. En fait, là-bas, si vous voulez faire n'importe quelle confession de la foi, que je crois par la foi qu'il n'y a pas la barrière devant moi, marche, tu traverses, tu sors, on voit. Je crois par la foi qu'il n'y a pas la chaîne sur ma main. Je crois qu'il ne suis pas prisonnier. J'ai la foi possible, la foi qui fait éclater les montagnes. Fini, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir les grilles devant toi. Vous voyez, il faut seulement s'abandonner entre les mains du Seigneur et rester calme. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a fait. Il savait que le Seigneur est puissant. Il savait que le Seigneur lui a remis les clés. Il savait que le Seigneur lui a dit qu'il est censé paître ses brebis sur ses troupeaux. Il savait que Dieu lui a dit ça pas trois fois. Donc il savait qu'il est sous la direction du Saint-Esprit. L'ange est venu là. Là, Dieu délègue un ange du ciel. Descend, va le délivrer. Vous voyez ceux qui sont à notre service, frère. Vous voyez ceux qui sont à notre service. Un ange descend du ciel seulement pour faire venir sortir quelqu'un de la prison sur la terre. Puis il rentre. Ah mon Dieu, quel Dieu nous avons à servir. Frère, la France de la sainteté, bonne nuit, bon dimanche. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et à dimanche. Bon dimanche. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains. Seigneur, dans les coins de mon cœur, sois lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa présence, et chaque jour, son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie. À l'infini, dans chaque instant, dans chaque geste, dans l'esprit, notre âme, notre vie, notre cœur, notre âme, notre multiplié, multiplié et multiplié. Amen. Dans les jeunes qui sont ici, venez saluer les gens ici. Alors. Venez saluer, vous-même, venez vous saluer. La France dans la sainteté. Ils vont vous saluer, ils vont vous saluer, ils vont se présenter. Ce sont les jeunes du 11 février. Ils sont venus pour passer le 11 février avec moi. Allez, allez, salut. Gloire à Dieu. Ah, j'ai oublié ça. Bonjour la France. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est bien la jeunesse dans cet été. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est bien de vous témoigner. J'ai mis quoi? La jeunesse camerounaise dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça se passe bien? Oui. Et c'est quoi le but pour lequel vous venez passer la journée pour la jeunesse? C'est quoi le but pour lequel la jeunesse? Le but c'est quoi en fait? S'édifier dans la parole de Dieu. En fait, pardon? En fait, le but était de... Bref, c'est un rendez-vous qu'on avait fixé avec le frère, mais apparemment, le Seigneur n'a pas permis. Donc, ce qui fait que c'est même pas tous les jeunes que vous êtes en train de voir maintenant. Je veux dire que s'il y avait réunion, on ne devait même pas être en train de causer. Donc, on a programmé et puis le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur a permis autrement. Donc, ce qui fait que le but, en fait, n'est pas... Il n'y a pas un but. Ça a été une fausse alerte. D'accord. Non, mais maintenant on est là. On vous voit, mais on ne vous connaît pas. Les noms. Pardon? Les noms, on vous dit pas. Non, on ne vous voit seulement, mais on ne connaît pas qui sont en couple. Ça, c'est le couple Ngabo. Christian et Julie Ngabo. Christian Ngabo et Julie Ngabo. Exactement. J'aime bien le servir le Seigneur étant jeune. Comme ça, vous n'avez pas fait les bêtises que nous on a fait dans la jeunesse. Amen. Même comme notre jeune âge, comme la jeunesse Android est déjà avancée, on a aussi quand même fait un certain nombre de choses. Mais on sommes quand même jeunes et on glorifie encore le Seigneur pour ça. Amen. Nous sommes aussi contents de vous voir, vous vieux. Et quand on voit nos parents, ils n'arrivent même pas à croire, c'est encore terrible. Ça va aller. Voilà, amen. Amen. Il faut vraiment persévérer. Ne lâchez pas. Amen. Ne lâchez pas. Amen. Persévérer. Amen. Ne lâchez pas. Ne laissez pas l'ennemi bravir votre droit de naissance. Ne permettez pas cela. Amen. Voilà pourquoi il faut vraiment veiller dans la parole pour être dégagé de tous ces obstacles-là. Parce que c'est la génération, si vraiment ça va trop vite. On confirme. Ah oui, c'est vraiment le 5 vitesses, comme tu dis là. Mais il faut vraiment faire attention. Amen. Surtout pour vous qui abordez encore des choses nouvelles avec tout ce qu'on entend, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, même aux États-Unis, hein, avec les sectes, tout ça. Donc vous devez vraiment faire très attention. Voilà pourquoi il faut rester toujours dans la présence du Seigneur pour qu'il vous protège. Amen. Amen. Parce que la jeunesse est vulnérable. Hein. Vous voyez, les lois qui sont votées, la plupart du temps, ça va à l'encontre de ça. Vous voyez? Amen. L'homosexualité, toutes ces choses-là, donc il faudrait vraiment que vous veillez. Vous devez vraiment veiller. Donc vous devez doubler plus de vigilance pour ne pas être soumis à cette. Pour ne pas être exposé à ces choses-là. Amen. Parce que le but de l'ennemi, justement, c'est de vous influencer pour vous ravir votre droit de naissance. Amen. Donc c'est son objectif. Donc vous devez vraiment faire attention. Amen. Le Seigneur a permis qu'on soit à côté des personnes aussi, de nos grands frères qui. Exactement. Vous voyez que toutes choses concourent bien de ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Vous l'aimez vraiment, il va toujours vous conduire vers les gens qui vont vous aider, qui vont aussi, qui seront des modèles pour vous. Amen. Vous voyez? Amen. Parce qu'il me demande de copier le modèle de nos pères dans la foi. Oh, c'est ce que je veux dire? Alors, amen. Amen. Amen. Moi particulièrement, on était là pour un travail. On tentait de vous saigner, donc je suis le plus sale et. Il m'avait continué. On était au champ le matin. On a fait le champ le matin ensemble. Je les ai laissés au champ avant de venir travailler avec vous là. Ah d'accord. Il y a des classes qui doivent se présenter. Voilà. Moi c'est Joël. Hein? Oui, Joël, enchanté Joël. Ok. Moi c'est Adélaïde. Enchanté Adélaïde. Moi c'est Lise, enchantée Lise. La France ne sait pas aussi présenter, la France doit se présenter. Voilà. Commençons par toi. La femme de la sainteté, présentez-vous. Moi, je suis la sœur Paul Gertrude. Pardon? C'est la sœur Paul Gertrude. Ok. Enchantée. Et le bébé alors? Le même. Le bébé se présente. Lui, c'est Nathan. Ok. Et moi, c'est Ethan. Ethan. Ok. Moi, c'est la sœur Flora. Ok, la sœur Flora. Okay. Moi, c'est la sœur Laetitia, la sœur Laetitia. La sœur Laetitia. Ok. Nous sommes tous là, on est au moins 25 personnes. Mais tous ne sont pas connectés aujourd'hui. Okay. Mais ceci dit, restez dans la crainte du Seigneur, restez dans sa crainte. Amen. La jeunesse camerounaise, dans la crainte. Bye. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais causer avec la sœur Ophélie tout à l'heure, la sœur Ophélie et la sœur Laetitia et la sœur Laetitia pour les inquiétudes là. D'accord la sœur. Bon la sœur Laetitia tu es au Cameroun donc ça ne dérange pas. On peut causer à tout moment. On te met de côté. La sœur Ophélie. À tout à dimanche s'il plaît au Seigneur. Le frère Christian avec sa femme, on va causer certainement le soir parce qu'après là, il va traverser la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu viendras au mois de juin. Je ne sais pas si en partant en Martinique, on va passer par là où on va faire un rôle d'abord. On va voir selon ce que le Seigneur va faire. D'accord, ma soeur? D'accord. Sois béni. Raccroche, alors tout le monde est parti sauf toi. Je reste avec toi, tu sais pourquoi? Non. J'ai fait un songe à ton sujet. Ouais, on va parler alors tout à l'heure alors, d'accord? Oui. À tout à l'heure. Okay, ça va. Thank you.